Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement en compagnie de Berthold ainsi que moi-même, David, au micro. Donc, il est présentement le 28 août de l'année 2022. Aujourd'hui, ça va être une discussion en conscience qu'on va avoir. Alors, salut Berthold, ça va bien? Oui, bonjour. Excellent. Donc, on peut saluer les gens qui nous écoutent. Berthold, qui est un YouTuber très prolifique. Donc, de nombreuses vidéos figurent sur YouTube. Et je suis rendu à un peu plus de 400 enregistrements audio à MP3 qui figurent dans mon audiothèque. Par rapport à Berthold, dont vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement présent. Et pour ce qui est de l'enregistrement d'aujourd'hui, en fait, je voulais aborder le vécu de Berthold sur le plan personnel. Donc, changer un petit peu mon approche, parce qu'au fil du temps, je l'ai amené à parler d'une manière impersonnelle sur plusieurs sujets. La cosmogenèse, le phénomène du suicide, je l'ai amené à parler naturellement du destin, de l'esprit, etc. Mais aujourd'hui, en particulier, j'aimerais l'amener à parler du vécu, de sa conscience au quotidien par rapport à la vie de tous les jours. Donc, voir comment qui intègre certains principes, notamment par rapport à l'instruction supramentale qui a fait l'objet de nombreux enregistrements que nous avons réalisés ensemble et aussi de certaines capsules audio qu'il a réalisées là, sur sa chaîne YouTube. Donc, comment qui vit ça, la conscience dans sa vie de tous les jours? Et dans un premier temps, étant donné qu'au moment où on fait cette capsule, il y en a fait une récemment par rapport au fait que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Donc, une capsule pour la fin du mois d'août de l'année 2022. Donc, si on part du principe que l'être humain n'a pas de libre arbitre, qui est un des fondements de l'instruction supramentale qui a été véhiculé notamment par Bernard de Montréal, Marc de la Salle et d'autres instructeurs, comment dans la vie de tous les jours tu vas vivre ça? Ben, l'affaire, c'est que l'être humain a un libre arbitre, mais c'est illusoire. C'est-à-dire qu'il y a un libre arbitre au niveau de sa conscience psychologique. Ça veut. Il n'y a pas de libre arbitre une fois qu'on l'observe autrement, qu'on le voit, on le regarde occultement, puis qu'on regarde la mécanique. Mais il reste que c'est là quand même, dans le sens que l'être humain est dans l'illusion de faire des choix, ça le maintient dans sa conscience psychologique. Mais d'une certaine façon, c'est réel quand même, parce que l'illusion, elle est effective, c'est-à-dire que ça a un effet quand même, dans le sens que ça le maintient. Donc, on pense faire des choix, c'est ça le libre arbitre. Mais d'une certaine façon, il reste que c'est une illusion, mais l'illusion, elle existe quand même. Donc, si on dit l'être humain n'a pas de libre arbitre, tout d'un coup, ça peut aboutir à un non-sens là, pour certaines personnes. Oui, exactement. Mais parce que dans ta capsule, tu présentais très bien les principes. Sauf que moi, je voulais t'amener à travers notamment ton vécu. Parce que c'est intéressant d'entendre parler de conscience supramentale, mais ça l'est encore plus à mes yeux de voir quelle est l'intégration on peut en faire au quotidien. C'est-à-dire, si on part du principe que le libre arbitre est une illusion, c'est de voir au niveau, entre autres, de la gestion de ta santé, de tes finances, de ta dimension relationnelle, amoureuse, ton alimentation, donc les différentes choses du quotidien. Comment cette compréhension-là, puis il y a d'autres principes, il y a l'instruction supramentale, comme la pensée vient d'ailleurs, comment toutes ces notions-là, qui sont abordées depuis plusieurs années là, à travers des capsules audio que tu fais, sont intégrées dans ton vécu? C'est vraiment la question qui m'habite présentement. Parce que si on part du principe que, par exemple, le libre arbitre est une illusion, ça veut dire qu'au niveau de la santé, quelqu'un qui tombe malade, bien, il n'y a pas le choix d'être malade parce que ça fait partie d'une programmation. C'est-tu dans ce sens-là? Non, pas nécessairement. Mais c'est-à-dire qu'il va être amené à accomplir sa programmation, puis il va y avoir l'illusion dedans de faire des choix. Comme quelqu'un qui est malade, il n'a pas le choix d'être malade, mais il va être dans l'illusion de faire des choix pour se soigner, par exemple. Ah, j'ai un chat qui. Qui miaule. Ouais, ben, c'est pas grave, là. Juste à l'ignorer. Mais c'est ça, là. Dans le sens que, ben, c'est ça, quelqu'un qui tombe malade, au fond, il va être programmé pour vivre une maladie. Puis il va être amené à accomplir cette programmation-là. Donc, on va lui induire la pensée qu'il a fait un choix de la façon de la vivre, sa maladie. Mais il reste qu'il va accomplir sa programmation pareil. Ou il va être dans l'illusion de faire un autre choix que celui qu'il aurait voulu faire, mais on fait tout le temps le choix de la programmation. OK. Mais en lien avec la santé dans ton vécu personnel, dans l'une de tes capsules audio, tu avais déjà fait allusion qu'à un moment donné, tu avais tombé malade et qu'à l'hôpital, on ne te prenait pas au sérieux. Non, c'est à la maison qu'on ne me prenait pas au sérieux. OK. Rendu à l'hôpital, j'étais en train de mourir, on m'a pris au sérieux. Mais justement, par rapport à cette anecdote, parce que. Si je me trompe pas, ben, peux-tu la mettre en contexte? Tu es mieux en mesure de la raconter que moi, là, c'est ton Ben, vécu. ça faisait plusieurs jours que j'allais pas bien. OK. J'avais des maux de ventre. Puis je disais à ma mère, je dis, je vais pas bien, il y a quelque chose qui va pas. J'arrive plus à digérer comme il faut, puis j'ai constamment mal au ventre. Puis aussi, j'avais remarqué que je vomissais de la bile. Puis ma mère considérait que possiblement c'était le stress parce que c'était bientôt la rentrée scolaire, j'avais 12 ans à peu près. Donc, mais je le disais que j'étais malade. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que comme je m'en plaignais pas beaucoup, mais j'ai disons que. Je le disais, j'ai des grosses souffrances, mais ça paraissait pas beaucoup parce que je suis pas porté à me plaindre beaucoup. Donc, mais je l'avais dit, je l'avais verbalisé clairement. Puis non, ça a duré plusieurs jours que je le spécifiais. Je voyageais du bain à mon lit parce que j'essayais de m'enlever de la douleur en prenant des bains. J'alternais là, entre des bains froids, des bains chauds, puis je me couchais. Puis, ma mère réalisait pas que c'était grave, pourtant je le disais. Puis finalement, ça a duré comme ça plusieurs jours. Puis finalement, je me suis mis à vomir là, de la bile noire, là, de la bile la plus profonde là, des viscères, là, celle qu'habituellement on vomit pas, là, même quand on vomit de la bile. Puis c'est là qu'elle a réalisé que j'étais réellement malade. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais déjà en train de mourir, là, si on peut dire, parce que c'était vraiment là, j'étais dans les dernières phases là, d'une crise d'appendicite. Puis le médecin t'a diagnostiqué une crise d'appendicite. Ben, ils l'ont vu tout de suite, ils ont opéré immédiatement. OK. Mais moi, je me préparais à mourir, là. J'étais persuadé. Je savais que j'étais gravement atteint, là, que ma vie est en danger. Puis j'en faisais pas vraiment de cas. OK, mais. Finalement, j'ai été sauvé à la dernière minute, là. OK. Mais en fonction de l'instruction supramentale puis du principe qu'on a l'illusion d'avoir un libre arbitre, est-ce que tu peux dire que ça faisait partie de ta programmation de te rendre à un certain point X de tension puis de souffrance à travers la maladie, mais qu'à quelque part, tu étais comme marqué pour continuer à vivre parce que tu avais d'autres choses à accomplir de ton vivant? Oui, c'est pour ça que les événements font que j'ai été sauvé de justesse. Je veux dire, sinon, normalement, je devrais être mort là. J'ai été plusieurs semaines à l'hôpital par après. Okay. Puis derrière ça, est-ce qu'on peut dire c'est parce qu'au niveau de ton esprit, il y avait un agenda pour toi comme de quoi que tu avais continué à vivre, puis dans le fond, tu avais quelque chose à accomplir sur Terre? Ça, à ce niveau-là, je pourrais pas dire, là. Moi, personnellement, là, mais il Oui. semblerait que peut-être. Mais personnellement, moi, je me préparais à mourir pour accomplir quelque chose, là. Oui. Mais des fois, à travers des événements qui sont très lourds, ça peut être un problème de santé très lourd, une dépression, etc. C'est ces événements-là qui rapprochent l'individu à quelque part de la mort, amène une mort d'une conscience naïve ou certains éléments. Est-ce que je veux dire, cette expérience-là a été transformatrice pour toi? Non. OK. Ça a confirmé ce que je pensais. À savoir que même si je disais quelque chose, j'étais pas nécessairement pris au sérieux, même si c'était clair. Puis j'ai compris que je pourrais pas faire confiance à autrui. Ça a juste confirmé ce que je pensais déjà. À part ça, j'ai rien réalisé à travers ça, à part les confirmations de mon ressenti. OK. Puis, par rapport au concept d'illusion du libre-arbitre, est-ce que par rapport à la santé, tu vois dans ta vie, parce qu'il était question que tu avais arrêté de fumer, entre autres, est-ce que Ouais, tu... mais j'ai fini. Quand je me suis fait raser mon jardin, j'ai recommencé à fumer. J'ai arrêté un an. OK. Mais j'imagine que tu as fait probablement une rechute dans la cigarette parce que ça t'a fait vivre une très grande souffrance, puis tu avais besoin d'une forme de plaisir compensatoire. Non, je le vois pas comme ça. C'est-à-dire que j'étais tellement ébranlé, puis en colère de ça, parce qu'il me reste pas vraiment de loisirs. J'ai plus beaucoup de plaisir dans la vie. C'est comme si tout ce que je trouvais plaisant dans la vie m'a été enlevé un par un. Puis il me restait juste ça. Puis ça m'a tellement mis en colère qu'au niveau de la vibration était tellement haute que je considérais que je pourrais plus fonctionner normalement si je faisais pas baisser la vibration un petit peu. Donc j'ai décidé de m'étourdir là. Donc parce que je vraiment là j'étais vraiment en colère là. Ça a passé proche là, que je saute sur des gens là, tellement j'étais choqué. Puis j'ai la vue, c'était trop haut, j'étais trop OK, oui, mais il y a différentes façons pour faire descendre une vibration qui peuvent être moins délétères que, par exemple, fumer la cigarette. T'sais, il y en a qui vont faire du sport pour extérioriser l'énergie. Il y en a qui vont avoir du C'est sexe, ils pas vont se pareil, masturber. c'est pas aussi puissant. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui a dû faire des efforts physiques, je suis habitué. Il aurait fallu carrément que je me mette à faire des affaires extrêmes qui n'ont pas de bon sens, ça n'aurait pas fonctionné. Puis je n'ai pas une libido de l'enfer non plus. Donc, ce qu'il y avait de plus accessible, c'était ça. J'ai essayé de recommencer à boire. Puis, c'est quelque chose dont j'avais vraiment perdu le goût. Puis, donc, j'ai pris quelques petits verres de gin, puis ça ne me faisait pas d'effet. Donc, je suis allé m'acheter des cigarettes. Tout simplement. Puis, même je le savais que c'était stupide, mais je faisais ça quand même parce que je voyais pas quoi faire d'autre, là. Vraiment, là, j'étais vraiment en colère. Puis même, ça me le disait, fais pas ça. Puis j'ai dit, j'étais vraiment en colère. Je dis, non, non, je m'en fous. J'ai plus rien, là. C'est vraiment comme si j'avais plus rien. Fait que là, je dis, non, non, je m'en fous. Je réarrêterai après. Ce qui est vraiment stupide, mais c'est quand même ça. Non, non, mais en fait, par rapport à la dimension de la santé, puis les gens qui nous écoutent peuvent se poser également la question, comment que je gère la dimension santé dans ma vie? C'était de voir par rapport à toi. Tu sais, est-ce que pour favoriser ta santé dans ton quotidien, parce qu'à un moment donné, tu avais arrêté de fumer la cigarette, là, tu viens de me dire que tu as repris là, suite à un événement quand Je même. l'avais pas fait pour ma santé. OK, tu l'avais fait pourquoi? Par simple logique. Puis aussi pour que la vibration reste un petit peu élevée. Là. Parce que je sentais que ça m'affaiblissait. Au sens de ma respiration, il y a certaines facultés que je pourrais peut-être perdre, puis je voulais pas. Puis c'est une question de logique, ça allait de soi. Puis le fait justement de jardiner tout l'été, ça m'avait enlevé le goût de fumer. Puis Mais j'avais plus le Mais souvent, C'était jardiner, parti. c'est ça le contact avec le jardin ou même un animal de compagnie comme un chat, ça va apaiser. Bon, ça dépend du monde. Pour moi, l'animal de compagnie, c'est surtout une question de principe, là, puis de responsabilité. Mais ça m'a jamais vraiment apaisé. C'est juste plus de problèmes pour moi. C'est plus de problèmes à gérer. Donc, comme là, en ce moment, je soigne un chat par principe, mais pas pour m'apaiser. Au contraire, là, c'est plus de problèmes. Bon, ben, je comprends, on a un vécu différent parce que moi aussi, j'ai un chat, un petit gris comme toi, mais moi, il m'apaise dans le sens que c'est un chat où je m'assieds dans le divan, il vient s'asseoir sur moi puis il se met à ronronner. Il est très affectueux. Fait que moi, je suis comme gâté, je suis comme comblé, puis moi, ça me détend là, de ressentir sa présence. Donc, mais on a un vécu différent. C'est pour ça que c'est intéressant d'aborder le vécu de l'individu. Mais moi, je voulais t'amener sur le terrain à savoir par rapport à toutes les prises de conscience que tu fais depuis plusieurs années, que tu nous partages au fil de vidéos, puis tu apportes beaucoup l'instruction supramentale. Est-ce que par rapport à la dimension santé dans ta vie, tu t'es déjà, bon, tu avais déjà arrêté de fumer, mais est-ce que tu t'es engagé, admettons, à arrêter de boire de l'alcool ou faire un programme d'exercice physique pour favoriser la santé? Non, je faisais des choses parce que j'en avais la vibration, pas parce que je prenais des décisions. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai recommencé à fumer, là. J'avais la vibration de. C'était un petit peu trop, là. L'événementiel était un petit peu trop. Puis j'étais en colère. Puis il fallait. Ça devenait psychologique, là. Je recommençais à devenir. Très, très, disons que ça se retransférait dans le psychologique. Mais par le passé, par expérience, je savais que au niveau d'une certaine tension nerveuse, que des fois, ça m'avait aidé à, tu sais, à redescendre là, un petit peu. Mais il reste que je me suis jamais engagé d'aucune façon envers moi-même, parce que justement, je crois pas à ça. C'est un peu comme les bonnes résolutions. C'est des attitudes psychologiques, puis c'est pour ça que les gens souvent vont prendre des bonnes résolutions au jour de l'an, puis ça marche pas. Oui, bien ça, on le voit souvent dans les salles d'entraînement. Au début du mois de janvier, en temps normal, ils sont pleines, puis après ça diminue progressivement. Moi, en tout cas, je l'ai vu souvent. En tout cas, on vit chacun notre vie. Moi, c'est ça, je cherche à m'engager à chaque semaine à faire un minimum d'activité physique pour me garder en forme. Mais bon, chacun vit sa vie là, selon sa façon. Mais tu disais quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que toi, tu suis la vibration, tout simplement, plutôt que de te soumettre à une forme ou ce que tu vois. Par exemple, il y a des gens qui vont se soumettre à la forme d'aller s'entraîner 3 fois par semaine avec au moins une journée d'intervalle pour avoir un repos entre 2 sessions d'entraînement. Ben oui, c'était pas des engagements que je prenais. Je m'étais pas engagé à. C'est simplement que, bon, ben, j'améliorais un peu certaines choses parce que j'en avais la vibration, j'en voyais la logique, puis ça me tentait, là, si on peut dire. OK. Sinon, par rapport à l'alimentation, ce que je voulais savoir, c'est que les prises de conscience que tu as faites au fil du temps, est-ce que ça t'a amené à adopter un certain type d'alimentation? Non. OK. Je crois pauvre autant que beaucoup de monde que ça influe tant que ça sur la vibration, à moins de vraiment se nourrir d'une façon qui a aucun sens, là. Mais à mes yeux, ça va être une basse vibration. Les gens qui ont une basse vibration vont être portés à se nourrir mal. C'est pas nécessairement parce que les gens se nourrissent mal qu'ils vont avoir une basse vibration. Parce que on dit qu'on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on pense. Bien, il y a des nuances à apporter parce qu'après tout, c'est pas parce qu'une personne va manger du cochon qu'elle va devenir cochonne. Non, c'est une façon de parler dans le sens que ce qu'on mange, c'est selon ce qu'on pense. Donc, il risque que non, j'ai jamais pris, j'ai jamais pensé que par l'alimentation, au niveau de mon psychisme, ça avait tant d'effet que ça, malgré tout ce qui est dit. Oui, parce que Ah. depuis plusieurs années, on entend parler de gens qui mangent d'une manière omnivore, ils deviennent végétariens. Il y en a qui deviennent végétaliens. Ensuite, le crudivorisme. Puis là, il y a le pranisme, des gens qui disent qu'ils se nourrissent de lumière directement là, du cosmos. Moi, je mange ce que j'ai envie de manger. Puis, si ma vibration est haute, je vais bien manger. C'est tout simplement comme ça. Je vois ça un petit peu à l'envers. Donc, si ma vibration est haute, j'aurais pas envie de. Ben, comme j'ai jamais mangé de fast-food, j'ai jamais eu envie de manger ça. Mais il reste que. Non, je me suis jamais privé, au contraire. Dans le sens que. Oui, des fois je mangeais moins, mais c'est parce que j'avais plus la vibration de manger autant. Mais c'est toujours mécanique dans le sens que si je me sens moins énergique, ben je fais moins de choses, donc je mange moins. Oui, il y a une logique derrière ça. Sinon, pour toi, bien manger, c'est manger de la nourriture, parce que tantôt tu faisais référence que sa vibration est haute, tu manges bien. Qu'est-ce que tu entends par là? Ça dépend, c'est du cas par cas. Mais justement, pour toi, ça serait quoi bien manger? Ben, c'est manger des choses que je digère bien, qui me font du bien. Mais ça n'a pas besoin d'être dans une catégorisation. Mais il reste que, bon, j'ai tout le temps été quelqu'un qui mangeait beaucoup, par exemple, des abats. Ce qui peut être vu comme, justement, comme bas en vibration. Mais il reste que j'ai un tempérament qui fait que j'ai besoin de faire. Bon. Mais. Pour moi, bien manger, c'est manger comme il faut, c'est-à-dire que, par exemple, une soupe, ben, c'est pas une soupe en canne, là. J'ai quand même une base. Je veux dire, j'ai eu mes formations en préparation fondamentale, là. Je sais faire les fonds, toutes les bases pour faire une cuisine de qualité. Donc, c'est ça pour moi, bien manger. Dans le sens que, ben, un bouillon de poulet, ça se fait pas avec de la poudre, ça se fait avec un poulet. Mais là, je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix manger des animaux, mais dans mon cas, à moi, je pourrais pas, comment je pourrais dire ça, je pourrais pas me nourrir de bouillie de légumes, là. Parce que j'aurais pas la même énergie. J'ai besoin de collagène, j'ai besoin de certaines choses. Faut aussi, je faisais certains exercices qui forcent les articulations beaucoup, donc c'est des choses que. Mais moi, pour moi, bien manger, là, c'est même jusqu'à un certain point superficiel, c'est-à-dire de savoir manger, c'est-à-dire savoir faire à manger. Puis je suis un petit peu vieux jeu sur ça. Comme le crécy, ça se fait de telle façon. C'est les vieilles façons, c'est-à-dire celles qui ont fait leur preuve pendant des siècles. Ok, Je suis pas très fan de la nourriture genre californienne, puis ces choses-là, là, nouvelles, là, qui mettent de l'avocat dans les makis, ces choses comme ça, non. Ben là, tu parles par rapport au sushi. Par rapport à n'importe quoi. Ok. C'est-à-dire que là-dessus, je suis quelqu'un d'un petit peu rigide. Je vais suivre ma formation par rapport à ce que je connais. Donc, il y a une façon de faire, c'est ça, les préparations fondamentales, les fonds, la façon de lier les choses. Comment on fait une émulsion? Ben, c'est pas avec des émulsifiants chimiques. C'est avec du jaune d'œuf ou. Quand on lit des sauces, ben c'est pas avec de la fécule qui a été traitée en usine, là, c'est avec des farines. Oui, mais est-ce que, par exemple, tu vas privilégier les légumes et les fruits certifiés biologiques ou tu achètes les fruits, peu importe? Non. Quand je vais à l'épicerie, je suis la vibration, puis je prends ce qui me tente de prendre, puis je me pose pas de questions. OK. Sinon, par rapport à l'alimentation, est-ce que tu prends des repas 3 fois par jour? Oui, d'habituellement oui, Mais depuis que mon jardin a été rasé, ben je mange moins. Donc je mange à peu près 2 repas par jour. Ok. Puis les deux repos, c'est lesquels? Ben, souvent je vais manger une soupe le midi. Puis le soir, je fais un repas du soir le plus consistant. Donc souvent je vais avoir c'est un peu comme les Britanniques font, le trois couleurs. Ça fait que souvent, il va y avoir un peu de viande puis de légumes. Ou bien un accompagnement. Donc souvent, c'est très simple là, ce que je fais, là. Mais c'est de la nourriture un peu comme on voyait les prolétaires, certains restaurants où ils vont, là, dans le sens que c'est un petit peu de la cuisine maison, dans le fond. Donc, justement, il y a un restaurant où j'aimais aller dans une autre ville parce que le midi, j'allais manger un foie de veau. J'avais une soupe avant, mon foie de veau, puis de la salade. Puis des fois un dessert après, mais souvent je le prenais pas ça. OK. Puis, y avait-tu un type de nourriture qui t'interpellait plus? Parce que là, il y a la nourriture que les gens font en Angleterre, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, on a Non, accès ben au sushi du c'est la paix. Japon. Comment? La nourriture anglaise, c'est la paix. Pourquoi? Ben, parce que c'est dégueulasse. T'as-tu déjà vu un haggis, comment on fait ça? Non. T'sais, je veux dire, comme la nourriture écossaise, les bisques au brandy, ça, je déteste pas ça, mais il reste que ça va contre. Non, la cuisine anglaise, la viande est bouillie souvent, puis. Moi, je trouve pas que c'est la meilleure, là, au contraire, là. D'ailleurs, essayer de trouver dans une ville cosmopolite un restaurant, là, British Cooking, ça pognera pas, là. Pour moi, les grandes cuisines, c'est français, italien, japonais, chinois. Mais le français, italien, qui est pour moi ce qui est parmi ce qu'il y a de plus. Mais j'avais une grand-mère, là, paternelle qui connaissait les classiques italiens. Donc. Les aubergines à l'italienne, ces choses-là. La cuisine méditerranéenne, que j'ai en haute estime, qui est pour moi. Puis aussi la cuisine française classique, celle qui a commencé à être développée au 17e siècle, puis qui s'est raffinée avec le temps. Donc, les potages liés, ces choses-là. Sinon, par rapport à l'alimentation, est-ce que tu as déjà pratiqué le jeûne ou le jeûne intermittent? Oui, mais c'était involontaire. C'est parce que j'avais la vibration de cesser de manger un temps. J'ai jamais jeûné parce que je voulais jeûner. Encore une fois, c'est dépendamment de comment je vais. Puis là, c'est si je fais un petit peu moins d'activité, je vais porter à moins manger, tout simplement. Mais j'ai jamais eu une alimentation selon quelque chose comme ça, là. Je me suis jamais dit, bon, ben là, je vais me détoxiquer avec tel régime. Je n'ai jamais suivi rien de ce genre-là. OK, ben en fait, tu sais, je m'interrogeais parce que là, tu sais, je voyais qu'il y avait une vague de personnes sur le web là, qui parlent des bienfaits du jeûne intermittent. Puis là, si quelqu'un jeûne en 12 et 16 heures, ça donnerait l'opportunité de vider le tube digestif puis donner une pause pour tous les intestins puis leur fonctionnement dans l'optique qu'ils puissent se régénérer. Fait que l'idée, quand que je l'ai entendue, je la trouvais pas bête, là. Ben, c'est pas l'idée que ça soit bête ou pas bête. Si les fois où j'ai attrapé une grosse grippe il y a quelques années, ben là, je mange des choses plus faciles à digérer, tout simplement. Puis je vais manger moins, puis boire plus d'eau. Mais moi, tout ce qui est les modes, puis les vagues, puis j'ai jamais senti aucune influence de ça. Puis j'ai jamais eu aucun intérêt pour la diététique. D'aucune façon. OK. Mais tu as de l'intérêt pour la cuisine parce que tu avais fait une formation là, par rapport à ça. Oui, même plusieurs. OK. Sinon, j'étais curieux de savoir, est-ce que tu avais déjà pratiqué le pranisme, t'sais, avoir une volonté de Non. t'alimenter de lumière ou de... Non. Non. J'ai aucune volonté de faire quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire. OK. J'ai vraiment jamais eu aucune aspiration de ce genre-là. Puis pour ce qui est de ce que certains appellent le crudivorisme, c'est-à-dire aller à l'essence des choses comme les graines, est-ce que tu trouvais que c'était comme plus haut en vibration de se nourrir d'une graine qui commençait à germer plutôt que de manger le légume là, une fois qu'il est poussé, là? Ben, ça dépend. Ça dépend comment ce que j'ai envie de manger. J'ai mangé des choses comme des pousses, des choses comme ça. C'est parce que tout d'un coup, j'avais un intérêt pour certaines cuisines du sud-est asiatique. Tout d'un coup, j'avais de l'intérêt pour les pousses de radis, des choses comme ça. Mais j'ai jamais eu aucune attitude dans le genre de un effet quelconque. C'est juste, je suis la vibration selon ce que j'ai envie de manger, puis comment je vais. Puis je réfléchis pas. J'ai jamais pensé à. C'est comme, oui, je vais manger comme des noix, des choses comme ça. Si je fais des activités intenses, là, je mange plus des choses comme certaines noix. Puis... Mais à part ça, non, j'ai jamais accordé aucune espèce d'importance à ça. Je suis la vibration, puis je mange comme ça me tente. Sur le coup. Donc, ça dépend tout le temps, puis je vois que mes goûts vont s'ajuster selon ce que je fais, de toute façon. Donc, non, moi, je suis plus comme les femmes enceintes là, qui mangent ce qui leur tente. Donc, sous l'impulsion du moment. Oui, mais j'ai jamais été compulsif au niveau de la nourriture, là. Dans le sens. C'est tout simplement parce que c'est ça que telle journée j'ai envie de manger ça. Tout simplement, j'ai jamais mangé d'une façon compulsive ou compensatoire. Mais la nourriture, à mes yeux, c'est quasiment plus une expertise technique pour atteindre un certain niveau selon ce qui me tente. Ce que j'ai envie de manger. Ce que j'ai la vibration de manger. Mais. Je vais jamais, je serais tombé dans une école de pensée. Non, je comprends. Tu vis pas ça avec un esprit de calcul, comme la personne qui calcule ses calories. Puis là, aujourd'hui, il ne faut pas que je prenne plus que 400 calories. Puis là, avec une balance, il y en a qui balancent tout, là, qu'est-ce qu'ils mangent, là, tu sais, pour pas dépasser, je sais pas si c'était 2000 calories, mais en tout cas, il y a des méthodes, puis, tu sais, c'est vraiment très intellectuel ou comptable, là. Ben moi, j'aime pas penser. Donc, je pense pas à ça. Puis en même temps, ben, tu sais pas des modes, parce qu'à un moment donné, il y a une mode qui apparaît, là, comme l'alimentation keto, cétogène, faible en glucides, sans produits transformés, puis riche en matières grasses. Là, il y avait comme toute une vague là, sur le web. Mais toi, dans le fond, tu te laisses pas influencer par ça, là, ouais. Non. Ben même les vagues qu'il y a sur le web, moi j'en ai pas connaissance. OK. Je m'en rends pas compte qu'il y a des vagues de ci puis de ça. Je m'en rends compte des fois par après, parce que je vois des influences chez des personnes qui sont dans certains milieux que je regarde. Puis là, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a une influence de ce qui semblerait être entre guillemets de mode. Mais personnellement, je me sens pas affecté par ça. J'ai pas d'intérêt, donc je lis pas sur ça, j'écoute pas des choses sur l'alimentation. Moi, à mes yeux. Ce qui m'a toujours intéressé dans l'alimentation, c'est au niveau surtout d'un savoir technique par rapport à un résultat. Donc, le reste, je suis mon instinct, je suis mon intuition, puis je m'en fous, là. Je pense pas à ça. J'ai pas envie de penser à ça. Donc, toutes les modes qu'il y a eu, surtout quand il est arrivé. La cuisine californienne, ce qu'on a appelé la cuisine californienne, puis certaines tendances qu'il y avait des restaurants qui servaient des petites pousses, puis des choses comme ça. Ça m'a inspiré un profond dédain, pas dans le sens que je méprisais ça, mais dans le sens que ça m'attire pas. J'aime la nourriture qui est consistante. De toute façon, je suis dans une région où il fait froid, je peux pas me mettre à manger trop légèrement. Oui, c'est sûr qu'il faut prendre en considération le contexte où ce que tu te trouves. Ben, je le prends même pas en OK. considération, ça se fait Ça se naturellement. fait de manière automatique. Moi, je suis pas attiré par de la cuisine trop légère, là. J'ai de la misère un petit peu avec ça. Ça goûte pas grand-chose, puis je sens pas de satiété autant. Ça m'est arrivé de goûter des choses comme ça pour faire plaisir à des gens, mais par après, j'allais chez moi me faire autre chose. Oui. Mais essentiellement, de ce que je comprends dans ton rapport à l'alimentation, la nourriture, c'est que tu y vas vraiment en fonction de la vibration. Tu n'as pas un souci intellectuel de calculer les propriétés alimentaires ou si rapportant, là. Non. Les fois où j'ai commencé à penser à des choses comme ça, c'était par rapport à des gens dans mon entourage qui avaient des problèmes de santé, étant donné que c'est moi qui faisais à manger. Donc, il m'est arrivé de faire plus léger un peu pour des gens en surpoids. Il m'est arrivé de faire plus riche en fer pour des gens anémiques. Mais pour moi, j'ai pas vraiment de. Je mange selon ce qui me tente. OK. Sinon, je voulais aborder avec toi l'argent, l'aspect financier, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un aspect qui a de l'impact, sur notre vie. Toi, par rapport à la gestion de tes finances, en lien avec toute l'instruction puis les prises de conscience que tu as faites au fil du temps, est-ce que les prises de conscience que tu as faites, ça t'a changé, ça t'a amené à voir différemment la finance ou pas vraiment? Non, pas OK. vraiment. J'ai tout le temps été un peu avare. Puis j'ai réussi à accumuler tout le temps un peu toute ma vie, même peu importe les situations. Puis j'ai tout le temps été quand même peu dépensier. Puis non, j'ai pas eu de. J'ai eu des prises de conscience par rapport au fait que. Peut-être, oui, au niveau de l'argent, c'est un support pour l'énergie, des choses comme ça. Puis qu'on apprenait à gérer de l'énergie. Mais par rapport au reste, j'ai tout le temps été chiche un peu, là. Si je vais jamais au restaurant, j'allais jamais au restaurant avec des gens, tout simplement, parce que je veux pas dépenser. Je suis capable de me faire à manger, je vais pas aller payer des gens pour me le faire. Puis, même si on m'invite au restaurant, j'y vais pas. Parce que ce qu'il y a sur le menu, possiblement, ça ne me tentera pas de manger ça. Donc, j'ai aussi, j'allais pas au cinéma, j'ai jamais été dans des débits de boissons. Donc, je suis pas porté à dépenser. Donc, l'argent pour moi, c'est un peu comme de l'énergie, là. J'essaie de pas en perdre. Mais à part ça, des grosses pertes financières que j'ai pu avoir, comme j'ai vendu une maison à perte parce que j'avais pas le choix, des choses comme ça. Ben, à chaque fois, je l'ai pris comme c'est quelque chose de déplaisant, mais je faisais avec. Mais il reste que j'ai toujours vécu en me privant énormément, ne serait-ce que par habitude, puis même si j'étais riche, je me priverais beaucoup. Pas parce que je veux me priver, c'est pas une ascèse. Mais tout simplement par habitude. Parce que je sais pas, j'ai jamais compris les gens qui dépensent pour aller dans des tout inclus, des stations balnéaires. C'est des choses que j'ai jamais compris. Pas dans le sens que je comprends pas, mais dans le sens que si j'essaie de me l'appliquer à moi puis de m'imaginer ça va avoir l'effet contraire chez moi. Moi, si je veux me reposer, je reste chez moi, je vais pas aller. Je ne vais pas aller dans des pays que je veux, au fond, que je désapprouve. C'est pas moi qui vais donner mon argent au gouvernement cubain. Jamais. J'aime mieux rester ici. Dans le sens que je me paye rien. J'en ai pas de loisirs. J'aime mieux accumuler. Dans le sens que c'est ça. Aujourd'hui, finalement, avec les années, j'ai réussi à me faire un. J'ai un entrepôt qui est plein d'objets, je veux dire, des choses qui ont une certaine valeur. Donc, jusqu'à un certain point, quand j'avais un coup dur, ben, j'en mettais un en vente sur eBay. Puis ça a toujours. Finalement, ça. Non, je suis vraiment un avare, là. Dans le sens que j'ai passé une partie de ma vie à ramasser des choses. J'ai encore un topaz que j'avais quand j'avais une dizaine d'années, Un malgré topaz, tout. c'est une pierre précieuse? C'est une pierre semi-précieuse, mais étant donné qu'il n'y a pas de défaut puis qu'il est d'une bonne taille, il a une bonne valeur. Je l'ai OK. toujours gardé. Puis c'est pareil pour. J'ai d'autres. J'en ai des pierres précieuses aussi. C'est comme. J'ai une broche victorienne qui servait à fermer les collets là, des dames, qui est une espèce de. Mais ça, c'est un rubis. Mais il est d'une bonne taille, là. Ça, c'est une dame, quand elle est décédée, que j'ai hérité de ça. Je l'ai toujours gardé. C'est des choses qui ont beaucoup de valeur. Puis, si jamais il arrivait un coup dur, j'aurais pas le choix, je le mettrais avant. Mais il reste que je l'ai toujours gardé. Puis c'est ça pour un paquet de choses. J'ai des livres que, possiblement, c'est peut-être le dernier exemplaire qui reste. Puis, je les ai toujours gardés. J'ai toutes sortes de choses comme ça. Donc, des Puis objets avec le temps, rares, bon, j'ai oui. comme. Oui. C'est ça, tu as des objets Avec le rares, temps. oui, je vais te laisser parler, oui. Ben, c'est ça. Avec le temps, j'ai commencé aussi à avoir différentes devises. Que la valeur fluctue et je les garde quand même. Je procède par accumulation beaucoup. Mais un vrai avare, là. Ben, C'est vraiment de l'avarice dans le fond. Puis c'est vraiment un vice, au fond. Parce que. Jusqu'à un certain point. Moi-même, j'ai vécu dans des loyers que je chauffais juste pour pas que les tuyaux pètent. Puis j'aimais ça. J'aimais ça. Le froid était mon ami. C'est pour ça que j'hésite des fois à parler de moi personnellement parce que j'ai des défauts détestables. Bien, c'est parce que ça dépend. C'est-à-dire qu'à quelque part, quelqu'un qui se fait une marge de manœuvre au niveau financier, parce qu'il a tendance à vouloir conserver l'argent, bien, je pense que c'est plus intelligent que quelqu'un qui dépense tout le temps, puis il s'embête tout le temps, puis il est à la merci de ses bailleurs de fonds ou des banquiers. Ouais, ben j'ai jamais beaucoup. Il reste quand même, j'ai des comptes dans quatre institutions différentes, mais j'ai jamais totalement fait confiance. Donc, je promenais ça. Tu sais, ou ben, c'est comme quand je me suis mis à jouer à la bourse. Ben là, ça, j'aimais ça, faire ça. Parce que ça bouge tout le temps. Mais. Il reste que je le sais que ça fait partie de mes défauts, ça. Ben, ça Je suis dépend, pas ça. devenu, je suis loin d'être devenu riche, Non, non, mais en même temps, mais ce ça que peut j'ai, je le être. garde. C'est parce que ça peut être une de tes forces, dans le sens que si tu as une forme de marge de manœuvre qui te donne une indépendance financière, ben, on parle pour parler, là. C'est sûr que je souhaite pas ça, mais disons que si à un moment donné, un concours de circonstances qui ferait en sorte que l'inflation augmente, le taux d'intérêt, bon, ben, il y a des gens qui ont acheté des maisons dans les derniers mois qui vont peut-être faire faillite parce qu'ils sont très endettés, tandis que toi, si tu n'as pas de dette puis tu as une marge de manœuvre financière importante, même si le coût de la vie augmente significativement pour acheter la nourriture, etc., ben, tu as une marge de manœuvre, tandis que l'autre qui ne l'a pas, ben, il va probablement se faire saisir sa maison ou faire faillite. Ben oui, ben certains objets que j'ai, quand l'inflation augmente, ce que je possède augmente de valeur. Par défaut, exactement. Donc, je me suis jamais inquiété par rapport à ça, là, parce que j'ai ce côté-là Fait que pour moi, de. c'est pas nécessairement un défaut, mais ça peut être une forme de prévoyance d'avoir une certaine On me marge l'a financière. reproché OK. souvent, parce que je voulais pas, je voulais comme j'étais en couple, puis. Il reste que, bon, je faisais tout moi-même, puis je voulais pas dépenser, puis il y avait pas de sortie, il y avait rien. C'était une vie un petit peu austère. Puis aussi, j'étais très critique de certaines dépenses. Donc, j'ai ce défaut-là. Je comprends pas qu'on puisse. J'ai de la misère à comprendre que des gens puissent manger au restaurant deux, trois fois par semaine. C'est quelque chose, moi, que. Donc, à ce niveau-là, ça faisait de la chicane. Parce que je trouvais que ça avait pas de sens. Je suis Dans le habitué sens de. que ton ancienne compagne voulait aller plusieurs fois au restaurant par semaine, mais c'était pas ton cas. Moi, une de mes anciennes compagnes, il y a un bout de temps. OK. Donc. Puis c'est pas juste ça, là. Moi, j'avais plus la télévision, puis je voulais pas l'avoir. comprenais pas qu'on paye pour ça. Je refusais. Puis finalement, bon, ben, c'est sûr qu'à la longue, ça peut devenir lourd de vivre avec quelqu'un comme ça, qui a du mépris pour ces choses-là, pour le divertissement. Parce que moi, mes divertissements, c'était. J'avais de la. Comme je ne coûtais le rien en argenterie, c'était de prendre soin de ça, frotter ça, puis des choses comme ça. Oui, Ce mais qui est ça, au fond. Hein, c'est un autre aspect que je voulais aborder avec toi, parce qu'à un moment donné, tu me disais que tu n'écoutais plus de films, des films récents, tu n'aimais pas ça, la musique non plus. Fait que là, moi, ma curiosité, c'était justement, c'était de t'entendre comment qu'un gars avec les prises de conscience que tu as faites au fil du temps va se divertir. ben, c'était pas grand-chose. Je faisais pousser des choses, puis je les regardais croître. Je les regardais croître à un moment donné, comme j'en ai. Ça a donné que j'en ai parlé un peu aujourd'hui. Je m'étais mis à faire pousser des mousses. Je m'étais mis à me prendre d'intérêt pour ça. Ben, les mousses, c'est quoi? Ben, comme de la mousse, là, comme quand tu marches en forêt, puis il y a de la mousse. Ah, OK. J'allais en forêt, je ramassais des échantillons, je les ramenais chez moi, puis avec un brumisateur, puis j'enrichissais une petite assiette en terre cuite, je plaçais les mousses, puis tous les jours, je mettais de l'humidité. Mais c'est assez spécial, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'humidité, le froid, l'humidité. Je ne sais pas pourquoi, là. Je suis plus confortable comme ça. Donc, j'étais porté beaucoup à aller dans des sous-bois. Puis simplement être là, à m'asseoir, puis observer. Au fond, c'est une forme un petit aspect contemplatif, c'est pour pas penser. Comme j'aime beaucoup les étangs, les marais. Comme quand j'avais ma maison, j'avais fait aplatir le terrain, sauf une partie. Parce qu'il y avait des marais. Puis je tenais à les garder. Puis il venait des canards, il venait des libellules, il y avait toute une faune, il y avait toute une flore. Puis je perds la notion du temps devant des choses comme ça. Heureusement qu'il y a le soleil qui se couche, qui bouge, ou pour que je réalise que. Parce que je perds la notion du temps. Dans le sens que tu te laisses absorber par l'environnement et la contemplation du marais avec les plantes et les animaux. Oui, c'est comme si ce que j'observe, j'étais plus là. Je suis dans l'observation. Oui, bien, certains vont parler de l'expérience de flow, FLOW, où la personne perd la notion du temps et de l'espace lorsqu'elle fait quelque chose qui l'absorbe totalement. Elle vient dans une forme d'état de transe. Oui, mais je vois pas ça vraiment comme un état de transe, dans le sens où je deviens très, très présent. Mais j'ai pas de processus mental. Bien, Je c'est-à-dire pense que pas. tu n'étais pas dans un état de réflexion, là, c'est ça que je C'est voulais ça. dire. OK, Pas tout. mais par rapport à l'argent, je voulais quand même en revenir sur le sujet parce que tantôt tu faisais allusion que tu avais déjà joué à la bourse. Encore. Tu joues encore Dès à la qu'elle bourse? est ouverte. Souvent, là, mettons que la bourse est ouverte un matin, des fois, c'est pas que je vais avoir fait les ordres d'avance. OK. Je place mes ordres des fois très tôt le matin. Si je me lève vers 4-5 heures du matin, je regarde où les marchés sont ouverts, ce qui se passe, comme les cours de l'or, des choses comme ça. Je donne mes ordres, je fais mes ordres, que je prends toujours des ordres limites, là, que je vends ou j'achète à un prix fixe, selon ma propre spéculation. Puis comme ça, j'ai une partie de la journée qui est libre, là, ça va se faire tout seul. Ça se fait tout seul. Je vais juste voir après dans la journée. Je regarde les cours. Puis en voyant les cours, souvent, je vais savoir si ça a passé ou pas. Puis quand je suis pas sûr, parce que des fois, il y a un délai, là, je vais voir. OK, puis donc tu vas faire une gestion journalière de la bourse. Oui. Puis est-ce que tu as des mises en vibration dans le sens que ça te dit intérieurement en te levant le matin très tôt, acheter tel titre boursier? Oui, puis souvent, je vais faire le contraire. Oh! Ou bien je me fierai pas ou j'y croirai pas. Parce que ça est arrivé des fois, pourquoi j'ai vendu ça? Puis là, ça me dit, on t'a dit de pas le vendre. J'ai ben oui, mais je pensais que, ben c'est ça. J'ai remarqué que plus je réfléchis, plus je pense, plus je fais des erreurs. Oui, dans le sens que tu vas interférer avec le processus ou l'intuition de base que tu recevais. Donc, tu vois comme la trahir ou la colorer. Ben Mais oui. de suivre l'intuition de base, parce que des fois, il y a des gens qui vont recevoir des idées en tête. Bon, je vais aller acheter un indice boursier, là, que ce soit une compagnie Bombardier ou il y en a d'autres. Mais on va revenir à ton expérience à toi par rapport à ton rapport à la bourse, puis ta relation, si on peut dire, avec l'esprit. Est-ce que les plans t'ont mis en vibration pour, au fil du temps, acheter certains types boursiers plutôt que d'autres? Ben, il y a des choses que je savais instinctivement. On peut voir ça comme des mises en vibration. Puis finalement, c'est au fil du temps, je perds confiance en mon intuition première. Puis là, j'ai fait des erreurs. OK. Mais ça reste, souvent, c'est resté rentable pareil. Mais j'ai. En tout cas, il y a beaucoup de choses là que souvent, il y a des choses que j'ai pas gardées. Comme quand il y a eu, à un moment donné, quand il y a eu la pandémie, il y a eu une espèce de mini-crash. Puis, j'avais des choses qui étaient restées hautes, puis je les ai vendues par crainte que ça tombe. Fait que le mini-crash a continué, mais par après, il y a eu une remontée. C'est Puis là, ça. je faisais des calculs, puis je me disais, OK. Puis là, je me rendais compte à quel point mon intuition première était la bonne, puis à quel point ma crainte m'avait fait perdre. Mais c'est, il n'y a pas de perte au fond, mais c'est une perte d'un potentiel que j'ai pas rentabilisé. Donc j'ai fait moins que j'aurais voulu. Souvent, c'est des choses comme ça. Il y a des choses que je vais avoir des intuitions des années d'avance, comme le graphite, par exemple. Puis finalement, je ne l'ai pas gardé. Puis par après, bon, ça a monté beaucoup. Ou bien je vais me laisser convaincre des fois par. Je m'étais rendu compte que quand j'écoutais les représentants de compagnie ou les bilans puis les choses comme ça, que je me faisais avoir. Comme à un moment donné, je voulais vendre, je n'en avais pas mal de Nemaska Lithium. Puis je me disais, bon, faudrait que je vende ça. Puis finalement, ben j'ai cru. J'ai cru ce que le gouvernement disait, dans le fond, la personne d'un certain ministre. Il avait dit ça va se faire. Il avait raison que ça allait se faire, mais pas pour les petits investisseurs comme moi. Bien, ce qu'elle allait se faire, c'était une transaction au niveau gouvernement qu'elle a investi dans le lithium. Ben, les petits investisseurs, au fond, on s'est fait sortir. Du jour au lendemain, ce qu'on avait valait zéro. Il y a eu une restructuration, puis tout, puis ça faisait partie des clauses de toute façon. Je recevais mes affaires. Puis il y avait eux autres, ils ont même fait des réunions d'actionnaires pour expliquer de ne pas perdre confiance, puis que ça allait se faire pareil. Puis finalement, ce que j'avais d'action, ça vaut zéro. Puis. Si je m'étais écouté moi plutôt que d'écouter eux autres, j'aurais pas perdu. Mais on s'est fait avoir. Tout le monde. Je me suis fait avoir parce que j'y ai cru. Mais il reste que je le savais que c'était une bonne filière pareille, mais j'étais pas dans la bonne place. Bien, C'est c'est-à-dire que comme. le lithium pouvait avoir un potentiel, sauf que tu n'es pas investi par rapport à la bonne entreprise. Pas du tout. Puis c'est comme à un moment donné, j'avais des choses dans le graphite. Puis je le savais instinctivement, 2, 3 ans d'avance, que ça allait monter à un moment donné. Puis je ne l'ai pas gardé. C'est aussi niaiseux que ça. Puis là, le pire aussi, c'est que au fond, du jour au lendemain, je me suis mis à jouer à la bourse, dans le sens que pendant des années, j'y comprenais rien. Puis j'avais peur, puis j'osais pas. Puis du jour au lendemain, j'avais un compte d'ouvert, puis je plaçais de l'argent. Mais ça, je pouvais pas m'attendre à ça, j'aurais jamais prévu ça. Mais c'est simplement, je parlais de bourse avec quelqu'un, souvent. Cette personne-là est décédée, puis du jour au lendemain, ce que je comprenais pas, là, je le comprenais. je me suis mis à jouer à la bourse. Mais je pouvais pas m'attendre à ça qu'un jour je ferais ça, que j'aurais la vibration de faire ça. Ah, ben dans la Puis vie, même. il peut y avoir des changements qui sont surprenants. Comme Ben, comme moi, une fois, oui. je me suis mis à acheter de l'or physique en entendant Daniel Ménard dire que ça se faisait pas. J'avais vu un enregistrement où il disait, vous pouvez même pas acheter de l'or à des banques qui vont vous donner un papier. Puis je le savais au fond que c'était pas vrai. Puis j'en jasais de ça avec des gens qui avaient étudié là-dedans, en finance. Je le savais qu'on peut acheter de l'or physique. N'importe qui peut acheter de l'or physique. Puis quand il disait ça, il disait, oh, la banque, ils vont vous donner un papier. Puis tout ça, c'est une façon d'acheter. C'est-à-dire, si tu achètes juste de l'or papier, mais tu peux acheter de l'or physique. Ça m'a Exactement. tellement mis en colère que j'ai acheté mon premier or physique cette journée-là. Ben, c'est bien que ça t'a amené à passer en action en défiant l'information qui était présentée, qui était erronée, ou lui, peut-être qu'il parlait, mettons, des titres boursiers là, sur l'or, dans ce sens-là. Ben, il parlait d'or papier, puis d'argent papier, mais il reste que c'est pas tout. Tu peux acheter de l'or puis de l'argent physique, puis ils vont te le Oui. livrer, là. C'est ça, au sens littéral, là, Donc, ouais. ben oui, puis là, quand j'ai vu ça, comme c'était impossible de faire autrement que d'acheter ça au papier, ça m'a mis en colère parce que je sais que c'est pas vrai. Parce que ça faisait déjà un bout de temps que je regardais ça, là. Tous les jours, j'allais voir, puis finalement, bon, en plus au Canada, il y a la Royal Canadian Mint qui est quand même, c'est quand même de bonne qualité, là. Mais quand tu sais, c'est 0,9999, c'est pas mal dans ce qu'il y a de plus pur, là. Seulement, il faut mettre les pièces dans des choses en plastique parce que c'est trop mou. Si tu mords dedans, il va y avoir les empreintes de ta dent, là. Tellement c'est pur. Comme si tu fais un bijou avec ça, ta bague, elle va être molle, là. C'est trop pur. C'est de grande qualité, ce qu'ils nous vendent. Mais il reste que j'ai toujours eu intérieurement l'idée que je pouvais pas conserver ça trop chez moi non plus. Parce qu'à un moment donné, dépendamment les décrets, puis tout, selon les lois de notre pays, puis tout, ils peuvent venir saisir ton or Ça pour peut se être rembourser. une possibilité. Puis l'autre élément, ben, si qu'il y a une crise financière majeure, ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'il peut y avoir plus de vols à domicile. Fait Ben que, oui, c'est pour ça que ouais. c'est mieux de pas garder ça chez soi, là. Mais en même temps, si quelqu'un met les lingots d'or en sécurité dans un coffret, dans une institution financière, bon, mais s'il arrive une crise majeure, ça se peut que tu puisses pas y aller dans la salle avec les coffrets, puis la banque garde tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des solutions à mi-chemin, là. C'est-à-dire que tu peux le mettre à l'étude d'un notaire. Tu peux prendre des billets de 100 pièces, tu mets ça entre des feuilles blanches, tu mets ça dans une enveloppe, tu mets un sceau dessus, puis tu vas voir ton notaire, tu dis, Monsieur le notaire, pouvez-vous conserver ça à votre étude de telle date à telle date? Il sait pas ce qu'il y a dedans. OK, puis lui, il Il n'y a pas mettrait ça besoin de dans le une savoir. forme de voûte sécurisée. C'est ça. OK. C'est pas une banque. C'est un notaire. Mais il reste que s'il accepte, tu dis, il y a des documents que je veux garder en sécurité. Pouvez-vous, monsieur le notaire, garder ça à votre étude? S'il accepte, ben, tu peux comme ça, entreposer de l'argent. Mais le monde, il pense pas à des affaires de même. Oui, quoique tu parles d'argent papier, tu parles pas de pierres précieuses ou d'or, là. Non. Mais même là, c'est pareil, tu peux faire des petits colis. C'est-à-dire? Ben, tu fais un petit colis, ce que ça va avoir l'air d'enveloppe plus épaisse, comme si c'était une pile de documents, mais les feuilles, ils peuvent être. C'est comme un livre que tu as enlevé une partie du papier. Ouais, je vois ce que tu veux Il va dire, peut-être s'en douter, mais si c'est bien fait. là. Ouais, c'est comme conserver un livre puis un flasque pour mettre de l'alcool dedans, sauf que là, on pourrait mettre de l'or liquide. Ouais, ben là, c'est comme des lingotins, c'est assez mince, ça. C'est des pièces d'or, c'est assez mince, ça. Donc, aussi, il y a des métaux qui valent encore plus cher, qui prennent encore moins de place. C'est pour ça, à un moment donné, je vais me faire un petit stock d'osmium. Parce que je suis certain qu'à un moment donné, la valeur va être. C'est dans ce qu'il y a de plus rare sur Terre, comme métaux. Donc, c'est des choses aussi. Ça se fait de l'or en feuille. Il y en a de l'or en feuille. Oui. Donc, ceux qui connaissent bien les réseaux par rapport à justement certains métaux, certaines choses, le tantale, ça s'achète en feuille. C'est quoi ça? Est un autre métal. Le OK. tantale, c'est un métal qui est nécessaire pour faire de la technologie liée à l'électrique. Tu peux pas. Comment je pourrais dire ça? C'est un des métaux les plus importants pour tout ce qui est électrique. C'est-à-dire, là, souvent les gens pensent pas à ça parce qu'ils sont partis sur les batteries, des choses comme ça, mais le tantale est très important. Donc, puis ça se vend en feuille. Puis avec ça, ben, tu peux en faire des électrodes, là. Il y a d'autres métaux, même des métaux liquides, qui vont devenir très importants parce que tu en as besoin dans le domaine médical pour faire les électrodes, là, comme les suces, là, des électroencéphalogrammes. Puis, je veux dire, à un moment donné, je m'étais fait un tableau avec tous les métaux stratégiques, puis ça fait un bout de temps, là, ça fait plusieurs années. Puis, j'ai regardé ça comme il faut, puis selon la géopolitique, puis l'industrie. J'ai déduit ce qui allait peut-être prendre le plus de valeur. Et selon toi, quels seraient les principaux métaux qui vont prendre davantage de valeur dans les prochaines années? Ben, ce qui pourrait être surprenant, c'est l'argent. Entre autres. Mais l'osmium. L'osmium, parce qu'au niveau de certaines technologies militaires, par exemple. OK. Je connais pas ce métaux. Ben, c'est un métal bleuté OK. qui est très très toxique. Quand on l'achète, c'est dans des petits. Parce que si tu réduis ça en poudre puis que tu respires ça, ben t'es mort là. Mais ça a tellement haut point de fusion qu'avec on peut faire des circuits imprimés pour dans l'aérospatiale. C'est-à-dire ça va résister à des hautes températures. C'est le métal qui est dans les métaux qui est les plus rares et qui a les plus hauts points de fusion sur Terre. Il y a le palladium qui pourrait prendre de la valeur beaucoup. Il y a encore un métal très toxique, mais qui a des propriétés. Au fond, c'est lié à des technologies du futur, qui des fois qui n'existent pas encore. Okay, parce que souvent on entend parler du lithium avec les batteries au lithium pour les autos électriques. Mais Bon, mais ça vaut. Au niveau de l'acheter Oui. physique comme un investissement, c'est pas grand-chose. Dans le sens, ça t'en prendrait d'une grosse quantité, là. Tandis qu'il y a d'autres métaux, tu peux les avoir en plus petite quantité, puis ça va avoir une grande valeur. C'est comme juste tout ce qui est dans le groupe des platines. C'est-à-dire or, argent, platine, palladium. L'autre, là, l'affaire qui sert à faire. C'est un métal, j'oublie le nom, là. Mais ça, il y a des gens qui se font voler leur pot d'échappement parce qu'il y en a un petit peu dedans. C'est des technologies par rapport à les émissions. Ça fait pour faire des véhicules moins polluants quand il y a combustion. Si tu fais un pot d'échappement puis qu'il y a un petit peu de ce métal-là, tu réduis énormément. C'est juste des règles de physique, ça va être moins porté à aller des particules fines dans l'air. Puis je sais pas tout à fait comment ça fonctionne, mais je sais que pour extraire ce métal-là, ils volent des pots d'échappement. Ouais, je n'étais pas au courant de ça. Mais je voulais t'entendre sur la question de l'argent, parce que c'est quand même on vit dans un monde dominé par l'argent, un monde capitaliste. Puis je voulais voir un petit peu là, par rapport à toi, parce qu'il y a des gens qui disent oh, ils ont des méthodes de placement, puis ils deviennent millionnaires avec ça. Puis il y en a d'autres qui disent non, non, quelqu'un, même s'il passerait son temps à étudier la bourse, puis tout, s'il n'y a pas la programmation d'être millionnaire, les forces vont créer des événements, puis ça ne s'actualisera pas. Toi, est-ce que tu penses au niveau financier que le destin sur ce plan-là est prédéterminé par rapport à l'individu, puis quoi qu'il fasse ou qu'il fasse pas, tout est déjà comme marqué? Ouais, c'est de la programmation. C'est comme à un moment donné, j'en arrachais pas mal. Puis là, je demandais, je dis pourquoi j'en arrache de même? Puis ça me disait, ben, t'es pas assez mature encore. Donc je vais essayer d'intégrer ça. Mais c'est de la programmation, c'est tout le temps de la programmation. Souvent, c'est les plus idiots là, qui deviennent riches. Ben, Plus c'est... tu. Plus. En tout cas, de ce que moi j'ai constaté. Ben, moi, les observations que je fais quand je regarde certains de nos politiciens, disons que je trouve que c'est pas nécessairement les plus brillants qui sont au pouvoir, mais Ouais, puis c'est la meilleure place pour justement par des intérêts puis des retours d'ascenseur pour avoir l'IQ pour en faire de l'argent. Faire partie de ces lieux-là. Oui, exactement, pour les réseaux de contact ou autres, mais ce que je voulais te dire, c'est que au fil du temps, j'ai discuté avec des gens qui vivaient un processus de conscientisation. Je ne veux pas nécessairement nommer des personnes, mais ce que je veux dire, c'est que je pense entre autres à quelqu'un qui dit « Ah, moi, je joue avec l'esprit à la bourse », puis il disait qu'il était mis en vibration par l'esprit pour acheter des choses pour vendre, puis finalement, la personne elle perdait de l'argent, puis elle s'endettait. Fait que... Ouais. Puis je pense pas ça. Puis j'ai un beau pareil d'avoir un pas pire rendement. Mais j'ai jamais pas en compté sur l'esprit pour ça. Dans le sens que c'est mon ego qui intègre pas l'esprit. C'est-à-dire c'est moi qui apprends à gérer. C'est moi qui intègre, c'est moi qui apprends à gérer de l'énergie. L'esprit, lui, t'sais, il va pas me donner les réponses. Dernièrement, pour rendre service à quelqu'un, j'étais prêt à aller mettre 800 pièces pour des cartes de crédit prépayées. Puis à la dernière minute, ça me dit, fais pas ça. Puis là, je dis, pourquoi? Puis là, ça me dit, c'est une fraude. Puis j'ai eu le sentiment que c'était une fraude. Fait que je suis revenu à la maison. Puis j'ai dit à la personne à qui je rendais service, je dis, d'après moi, c'est une fraude. Montre-moi donc les courriels. Parce que ça se tenait en plus, là, c'était vraiment. C'était très cohérent, pourtant. Puis par après, j'ai dit, vous m'avez prévenu, tu sais, j'ai été prévenu, c'est rare que vous m'aidez de même. J'ai dit, si ça avait été mon propre argent, m'auriez-vous prévenu? Ils m'ont dit non. Hey. Là, je reconnais bien, là. Oui, ben c'est parce que quand tu as dit ça, ça m'a fait penser, je pensais entre autres au cas d'un guérisseur qui aidait les autres à régler leurs problèmes de santé, puis lui, sa santé, c'était de la merde. C'est ça. Donc, Mais, ouais. je compte pas sur l'esprit. La job de l'esprit, de ce qu'on pourrait appeler là, entre parenthèses, son point de vue, c'est de me mettre dans la merde pour me forcer à m'en sortir. C'est ça l'intégration. Donc, je compte pas sur eux autres. Je compte pas sur le double non plus pour trop m'aider. Il va me prévenir si c'est pour les autres. Mais pour moi-même, jamais. Jamais, jamais. C'est bien rare, c'est arrivé quelques fois, mais en général, je ne suis pas prévenu de rien. Mais pourtant, quand c'est pour un tiers, là, tout d'un coup, là, whoops, ça. Puis là, je peux comme ça aider du monde puis leur éviter des problèmes, mais quand c'est mon tour, ça ne marche pas. Au contraire. Donc, à ce moment-là, on en vient à conclure que l'esprit consent à ce que ces problèmes-là ou oppositions dans ta vie. Ben oui. C'est pour ça que, au fond, dans le fond, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est. Je sais qu'en tout cas, il ne faut pas que je fasse confiance. D'aucune façon. Dès que je crois, là, je me fais bullshiter. Puis là, après, c'est pourquoi vous m'avez sorti ça? C'est parce que t'es assez cave pour croire. Fait qu'on te donne de la marde. Tu y crois. Fait qu'on te donne de la marde. Fait que j'ai arrêté complet, j'ai perdu toute confiance. Ça a pris 4-5 ans, mais j'ai totalement perdu toute confiance que j'allais recevoir de l'information qui allait réellement me faciliter les choses. Ben, j'ai fini par le voir que, dans le fond, le but, c'est pas ça. T'sais, c'est pas pour ça. Le but, c'est d'intégrer, que je devienne de moins en moins naïf, que je me fasse de moins en moins avoir par mon manque de discernement, donc je reçois aucune aide, au contraire. Tu sais, je vais me faire mettre les pieds dans les plus. La minute que je crois, je me fais mettre les pieds dans les plus. Non, non, puis t'es pas le seul, puis je pense que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que moi-même, à un moment donné, moi, ça me faisait penser par rapport au billet de loterie. Moi, personnellement, j'en prends jamais, puis je suis plutôt sceptique, puis pessimiste. Puis là, il y a des gens de mon entourage qui ont dit « Ah ouais, embarque avec nous autres pour le billet, ça va te changer tes habitudes, au cas où que ça marche, blablabla. » J'avais embarqué avec eux autres, puis naturellement, ça n'avait pas marché, puis là, je regretterais de ne pas avoir suivi ma première intuition. Ouais, malgré que c'est pas grand-chose, Non, là, non, c'était peut-être c'est... un 2 $ là, avec un groupe. C'était minime, mais par rapport à ça, ça m'a ramené au principe de l'influence du collectif qui m'a comme détourné de mon mouvement individuel que j'en prends pas. Ben oui. Puis, moi, ça a tout le temps été comme ça, dans le sens que la minute que je suis un petit peu confiant ou que je suis un petit peu enthousiaste, je me fais ramasser par l'événementiel. À un moment donné, quand la mère de mon père est décédée, je le savais qu'elle m'avait légué un gros montant. Puis j'ai pas voulu réouvrir le testament pour pas faire de chicane. Fait que je me suis fait voler par ma famille. Ouais. Puis j'ai préféré faire ça pour Mais pas si avoir t'as de chicane. pas réouvert le testament, parce que si tu le sues, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te l'a dit ou il s'est passé quelque chose. Je le savais parce que moi, je parlais avec elle. OK. Puis, faire réouvrir le testament, ça, c'est parce que tu saisis un huissier, puis pour forcer la personne qui était nommée exécuteur testamentaire à rendre public le testament. Ça aurait fait. Ils ne l'auraient pas pris, eux autres. Ils n'y auraient pas aimé ça. Puis là, j'aurais été récupérer ce qui était mon dû. Mais possiblement, peut-être que ça aurait fait de la chicane beaucoup. Là, j'aurais été haï, là. Alors que j'aimais mieux, dans le fond, être. Dans le fond, j'ai rien à me reprocher. Puis j'ai pas eu de chicane avec personne. Puis j'ai pas eu non plus à vivre le stress de cette procédure-là qu'à l'époque, j'aurais pas été capable, à mon niveau nerveux, de le supporter. Ben, finalement, quelque part, tu t'es respecté parce que ça aurait été très coûteux sur le plan énergétique, dans le fond, de récupérer l'argent. Puis si on voit l'argent comme une énergie, c'est que si l'énergie que tu veux récupérer est moindre que toute la souffrance que ça peut engendrer, puis de conflit avec d'autres personnes, ben des fois, c'est mieux de pas aller de l'avant avec ça, là. C'est ça. J'ai préféré faire ça comme ça. Parce que je savais que ça valait peut-être pas la peine. Mais que j'allais en arracher à cause pareil que. Fait que finalement, bon, je me suis dit. De toute façon, une des personnes, jusqu'à un certain point, qui s'était arrangée avec l'exécuteur testamentaire, je me suis dit, bon, ben lui-même, ben, qui meurt, peut-être qu'il va me le remettre. Mais finalement, j'ai hérité de peut-être un dixième, là. Mais au moins, j'ai pas été en chicane avec. J'ai pas eu à me chicaner avec mon père. Mais même là, je me suis fait avoir parce que ma belle-mère puis ma soeur sont arrangées pour que je le sache pas, qui était en train de mourir. Puis lui, ben, il était dans un état que il pouvait pas me prévenir. Il était trop, c'était trop avancé. Puis probable qu'ils ont profité de sa faiblesse puis tout. Puis ils m'ont coupé. Puis finalement, je l'ai su juste par après qu'il était mort. Ton Puis ça. père est décédé alors que tu avais quel âge? Oh, j'avais dans la vingtaine, milieu de la vingtaine. Puis, bon, coudonc. Mais aujourd'hui, le prix à payer, c'est que ma soeur, je veux rien savoir d'elle. Qu'elle mange de la marde. Puis, ses bonnes valeurs, je veux rien savoir d'elle. Puis, c'est pareil pour. Ben, en tout cas. De toute façon, moi, je me souviens comment qui ont été avec lui. Puis, d'une certaine façon, ben, c'est lui qui. C'était son affaire à lui. C'était sa programmation à lui. Ils ont fait perdre sa job, ils ont fait du trouble, ils ont même profité du fait qu'ils ont juste ramassé son chien, fait euthanasier son chien. Il est obligé de passer du temps cellule sur des menteries. Dans le fond, c'était leur affaire à eux autres. Au fond, j'ai pas eu à trop subir tout ça, puis j'ai pas eu à être en chicane avec personne. Mais aujourd'hui, je vais avoir la paix. C'est pas moi qui va. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de lien affectif. Okay. Sinon, ton père, il est mort de quoi? D'un cancer. Quel type de cancer? Ben, généralisé, là, ça a commencé dans la vessie. Ok. Puis ça s'est répandu partout. Il y a eu une rémission. Puis là, il est arrivé ces événements-là de chicanerie ridicule qui s'est faite. Qu'il n'avait plus le droit de voir ses petits-enfants, qu'il n'avait plus le droit de. Tout d'un coup, son chien n'était plus là, puis là, il apprend par après que le chien était euthanasié dans son dos. Ils ont tout fait pour le détruire, puis là, le cancer s'est réveillé. Ben, ça a été des événements qui sont stressants. Parce que surtout, je dirais, au niveau de la peine que du stress. OK. Donc, mais moi, je m'en souviens de ça. Mais tu sais, je veux dire, je peux pas, un moment, tu sais, je viens que je l'oublie dans le sens où j'y pense pas. Mais il reste que toutes ces conneries-là, c'est un peu comme, c'est pareil avec, non, je veux dire, j'ai pas de lien affectif. C'est dans le sens que c'est du monde, jamais je vais renouer, jamais. Puis ils l'ont vu. Ils l'ont vu parce que à un moment donné, bon, j'ai des proches qui sont revenus dans la ville où j'habite, puis il y a eu des tentatives de rapprochement. Puis ils ont vu que ça ne m'intéressait pas. Donc, tout simplement parce que ça me fait rien, je veux dire, ça me. J'ai pas envie d'avoir des liens avec des gens qui ont osé agir comme ça. Je suis pas capable. Parce que moi aussi, ça m'a blessé. Ben, je peux comprendre, là. C'est sûr que si tu as vu ton père, ben, tu étais au courant que ton père a dépéri puis qu'il s'est fait euthanasier son chien contre sa volonté. C'est sûr, c'est très contrariant comme événement, là. Oh, c'était tellement dégueulasse. C'était tellement. Non. C'est bonne valeur, là. Puis ça me fait point pli. Dans le sens que ce qui peut arriver à cette partie-là de ma famille, j'en ai rien à foutre. J'ai un de mes oncles qui s'est mis assez à l'aise, là, avec une compagnie des compresseurs pour des chambres froides, des choses comme ça. Puis quand ça a été le temps de prendre soin de sa mère, ma grand-mère paternelle, cet oncle-là, il l'a placé dans un trou minable. Que c'était horrible. Puis c'est mon père qui s'en est rendu compte puis qui l'a sorti de là. Mais cet oncle-là, je veux pas de rapport avec, j'en ai jamais eu. De toute façon, quand du monde de ma famille allait en visite chez eux, c'était une maison que chaque chambre a sa salle de bain, puis tout, il leur coupait l'eau chaude. Il faisait tout pour montrer qu'il voulait pas y voir. Puis, fait que cette partie-là de ma famille qui vit à Montréal, j'ai jamais eu vraiment de lien avec. J'ai une de mes tantes que, quand je la voyais, elle faisait comme si elle était bien proche de moi, puis tout. Puis je l'ai tout le temps considérée comme une hypocrite. J'ai appris, un an après qu'elle soit morte, qu'elle était morte d'un cancer, puis ça m'a rien fait. C'est des étrangers. Et ça m'amène à te parler de l'aspect relationnel de ta vie. C'est-à-dire les relations, que ce soit au niveau du couple, amitié, membre de la famille, toi, par rapport à ton processus de conscientisation, parce que là, moi, en lien que ce que j'entends depuis tantôt, là, c'est comme tu as développé une très grande lucidité par rapport aux gens, puis un détachement par rapport à plusieurs membres de ta famille. Fait que je te sens comme très dégagé de l'égrégore familial là, auquel tu pouvais être issu, là. Ben, il y a des membres de ma famille avec qui j'ai des contrats d'âme, si on peut dire, que je les laisserai jamais tomber jusqu'à la fin. Mais il reste que il y en a d'autres que c'est comme des étrangers. Puis je serai jamais proche. Donc ça me fait rien. C'est. Ma famille, c'est les gens de qui je sens une proximité réelle. Les autres, c'est circonstanciel. puis comme c'est comme ça. Oui, ben, il y a des gens qu'on va sentir une plus grande proximité vibratoire. Certains vont parler des amis de notre essence ou de notre famille d'esprit et donner plus d'importance à ces gens-là plutôt que des gens de la famille biologique ou la famille de sang. Bien sûr, avec qui je suis proche émotivement, puis avec qui je sens qu'il y a un contrat d'âme, j'aurais même pas donné d'importance à aller de soi. Je vais tout le temps être là, puis je vais tout le temps faire tout ce que je peux. Puis les autres, c'est pas parce que je donne pas d'importance, ça me fait rien. Ben, t'as pas de mise en vibration par rapport à eux, Non, pas en tout. là. C'est des étrangers pour moi. Et de toute façon, souvent, c'est du monde. Ils n'ont jamais fait l'effort qu'on se connaisse vraiment quand moi j'en faisais un. Donc j'ai comme. Bon, ben c'est ça. J'ai pas d'affinité réelle. Je ressens rien. C'est comme le. Ça va être la même chose qu'un quidam qui passe sur la rue. Je vais aider par principe si c'est ce qu'il faut faire, puis que c'est la seule affaire qui a de l'allure. Mais c'est tout. J'ai pas d'autres liens, j'ai pas de lien fort. Tu sais, il y a deux de mes tantes, même ben, trois de mes tantes avec qui j'ai un lien assez fort. Mais les autres, j'en ai rien à foutre. Puis c'est pas une blague, là, j'en ai absolument rien à foutre. S'il arrive de quoi, ça va me toucher au sens où d'autres de qui je suis proche, ça va les affecter. Mais j'en ai absolument rien à foutre d'eux autres. Puis c'est vraiment, je vais avoir, oui, une préoccupation de base, comme une empathie normale, comme j'aurais pour n'importe qui. Mais c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. C'est comme, j'hésite à donner des exemples parce que c'est un peu personnel, mais j'en ai des oncles. Puis que j'ai une de mes tantes qui est morte, ça m'a fait de la peine dans le sens que ça a affecté ma mère. Mais je l'ai tout le temps vue comme une hostie de vache. C'était une crise de vache. Elle battait son fils parce qu'il apprenait pas ses couleurs assez vite pour elle. Ça y a pris des années pour se rendre compte qu'il était peut-être daltonien. C'est une crise de niaiseuse, une astie d'épaisse, de mauvaise foi souvent, puis méchante. Ou du monde de même. Elle est morte d'une maladie qui fait que la peau durcit, puis elle est morte de sa propre programmation, de sa propre inhumanité. C'est comme si ça s'était refermé sur elle. Je trouve ça triste pour ses enfants, je trouve ça triste pour ses sœurs, je trouve. Mais pour elle, j'ai aucune affinité. J'avais aucune affection pour elle. C'était comme un. Tu sais, quand je sentais, là, c'était comme du venin. Je la trouvais toxique. Fait que ça m'a rien fait, à part au niveau que ça a affecté des gens, ça me fait de quoi qu'il y ait de la peine. Mais pour elle, jamais eu de peine. C'est comme une norme immature qui était faite pour être lointain, puis. Oh oui, ben, je comprends que tu es très détaché par rapport à elle, puis c'est sûr qu'en entendant des propos, c'est sûr que si elle battait son enfant, je peux très bien Ah comprendre. oui, j'ai de la maltraitance, là, assez. Des fois, les enfants, ils mangeaient pas avant 11 h le soir parce que les autres, il fallait qu'ils boivent leur 24. Puis je le savais qu'elle m'aimait pas, elle me l'avait dit. Mais justement, la sensibilité que tu as développée au fil du temps, est-ce que ça t'a amené au fil justement des années à te détacher plus des membres de ta famille biologique? Je te détacher de certains membres de ma famille de début. OK, dès ton Je le enfance. savais, oh, oui. OK. Je savais de qui je serais proche puis de qui je serais pas proche. Je le savais. Il y en a que ça m'a fait plus mal. Que je le savais moins. C'était flou. Mais il y en a d'autres, non, je le savais dès le début. Je le sentais. Ben, c'est pas grave. Mais ça, c'est lié à mon ego, c'est lié à mon psycho-affectif. C'est pas lié à d'autres parties de moi que je considère comme plus réelles que ce que j'appelle moi. Fait que c'est juste cette partie-là, dans le fond, qui est concernée par ça. Mais il reste que non. Il y a du monde dans ma famille que je savais que je ne serais jamais proche parce que je les sentais fake. Je les sentais que ça ne marcherait jamais, comme une de mes tantes que j'ai appris un an après qu'elle était morte. Je savais que je ne serais jamais proche d'elle. J'ai même jamais reçu une carte de fête. Rien. Donc, Puis tu as eu elle, elle voulait des... pas parler à ma mère parce Ouais. qu'elle était... Elle était amie avec quelqu'un qui n'aimait pas ma mère. Je la trouvais superficielle, je la trouvais conne. Puis là, elle est morte, puis tant mieux. Dans le sens que j'ai plus affaire à elle, puis là, j'y pense parce qu'on en parle. Mais ce monde-là, je pense jamais à eux autres. C'est comme s'il n'existait pas, Non, je puis qu'il n'y avait comprends. jamais... Probablement que tu as eu des intuitions, puis avec les années, puis les événements, ça a juste confirmé tes intuitions. C'est ça. Fait que Mais... là, ouais, ça rejoint un peu l'adage qui dit méfiez-vous de votre première impression parce que c'est généralement la bonne. Oui, ben, c'est un peu comme quand il vient intuitivement quelque chose, puis là, après, tu te mets à réfléchir, puis tu changes d'idée, puis là, tu te trompes. Exact. Donc, il reste que là-dessus, je me suis tout le temps fié à mon ressenti. Puis, je me suis pas trompé à ce niveau-là. Oui, puis c'est un élément important parce que toute notre société, on est très centré sur l'intellect. Si on regarde toute l'éducation cartésienne, puis tout. De ramener ça à le côté plus intuitif, mais ben, c'est bien là, que ça soit plus pris en considération, en fait, tout au moins, là. Mais je voulais t'amener aussi par rapport à la dimension relationnelle de ta vie, à parler du couple. Ben, je pense que tu as été quand même en relation avec quelques femmes là, au fil des décennies. Oui. Mais ça, c'est pas bien ben différent des autres, là. Dans le sens, bon, ben, il y avait des affinités. Des fois, c'était très intense. Puis il y avait aussi des chicaneries. À cause de conflits au niveau de la personnalité. Oui, comme que ça peut arriver à tout le monde, mais ma curiosité, ben, c'est ça, tu peux donner suite ou non, là, c'était de voir est-ce que le fait d'avoir été exposé comme moi, puis sans doute plusieurs personnes qui nous écoutent à l'instruction de Bernard de Montréal, t'a amené à quelque part dans tes relations que tu as eues de couple, cette instruction-là, à changer ton rapport si tu étais déjà en couple ou avoir des oui. Ah oui, il y en a une, là. Là, j'étais sur le point de fonder une compagnie avec elle. OK. Puis la minute que j'ai décidé de parler du supramental, là, en public, c'était fini. Elle voulait plus rien savoir de moi. Puis elle m'a écrit, je coupe les ponts. Ça me... Ouais. Ça m'avait donné un choc. Ben, je peux Je veux dire, comprendre. j'étais plus en couple avec, mais on se fréquentait encore. Puis bon. Tout d'un coup, la minute que j'ai décidé que j'ouvrirais une chaîne YouTube, puis que je parlerais de supramental, à couper les ponts. Puis j'ai plus de nouvelles. À part une fois que j'ai eu des nouvelles parce qu'elle avait besoin de mon aide. À part ça. OK, donc elle était pas ouverte par rapport à ça. Non. OK. Mais ça n'était pas par rapport à ça qu'elle a décidé de couper les ponts, mais ça a donné comme ça. Dans le sens, c'était un petit peu comme si ça voulait me tester, là. Puis c'était par rapport, dans le fond, à d'autres affaires qui fait que tout d'un coup, elle a décidé, bon, ben moi, je coupe les ponts. Mais ça peut être un petit peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là. Ouais, parce que. Pas longtemps avant, j'avais dit, je vais, ça fait un bout, ça fait plusieurs années, là, pas mal, ça fait un bon bout à cette heure. Puis même j'ai hésité pendant 2 ans avant d'ouvrir une chaîne. Mais la minute j'avais dit, je pense que je vais parler du supramental avec du monde. Et là, oh, ouais. Je pense que je vais parler au public à un moment ou à un autre. À un moment donné, chez nous, puis je reçois un courriel, puis oh, je décide de couper les ponts. C'était peut-être quelques jours après que j'ai dit ça. Puis même là, j'ai hésité peut-être 2 ans De faire avant de ton parler. ouais, parler. Ben, moi, l'histoire de parler publiquement, c'est sûr que c'est délicat. Je pense entre autres à une femme avec qui j'avais parlé, puis elle en a jamais parlé à son conjoint là, qu'elle s'intéressait à la conscience supramentale. Il y en a dans leur couple que c'est très segmenté, là, c'est-à-dire qu'ils vivent ça d'une manière privée, puis leur conjoint n'est pas du tout au courant. Ben moi, j'en parle pas à mes proches. Je parle pas de supramental avec les gens. Je parle que je vois tous les jours. Jamais. Puis, ceux qui le savent, c'est à cause c'est circonstanciel. Puis, ils savent que je veux pas en parler. Que j'en parle quand je suis sur YouTube ou que j'en parle avec du monde qui sont là-dedans, mais que j'en parle, je veux pas en parler. Donc, bon, les gens me sacrent la paix avec ça. Ils viendront pas me voir dire pour des sujets comme ça, là. Ceux qui savent puis qui me reconnaissent ou des gens dans mon entourage qui sont au courant de ça, ils s'en occupent pas. Ils considèrent que c'est pas de leurs affaires ou que c'est pas. De toute façon, j'en ai des proches qui savent que je parle de ces affaires-là, mais ils pensent qu'il y a de quoi à comprendre, fait qu'ils comprennent rien. Fait qu'ils parleront pas de ça avec moi. Ouais. Mais c'est parce que ça dépend des gens. Comme moi, c'est ça, je suis privilégié parce que ma compagne est ouverte. Mais tu sais, je parle pas tout le temps de ça avec elle, là. Tu sais, c'est peut-être un. Non. Tu sais, je vais parler de choses plus pratiques, là, sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on achète à manger, ou tu sais. Dans du concret, mais parmi tout ça, c'est comme un petit aspect, là. Tu sais, c'est ça, j'en parle pas autant qu'avec toi ou d'autres personnes, là, naturellement, mais c'est comme un sujet parmi tant d'autres, là. Moi, ben Puis. faut pas que. C'est comme des fois, je peux parler avec quelqu'un, puis là, tout d'un coup, il me vient quelque chose qui a été dit par quelqu'un dans ce milieu-là, mais je vais pas l'amener comme du supramental. Je vais dire, ah, maintenant, il y en a un qui avait dit ça, je me rappelle plus qui, là. Là, j'amène une petite citation. Puis là, souvent, le monde va dire, ah, ben, c'est intéressant. C'est pas fou. Mais je ne vais pas me mettre à dire, ah ben ça vient d'un tel, puis c'était dans tel milieu. Pis... Parce que c'est comme ouvrir une porte vers quelque chose que je ne peux pas me faire achaler avec ça dans ma vie de tous les jours. Non, non, mais ben, je comprends. Tu feras pas du prosélytisme pour le Ouais. supramental comme certains font la promotion de religion puis venez assister à nos assemblées. C'est ça, j'aime autant. Le supramental, j'en parle à ceux que ça intéresse déjà. Tu sais, je vais pas en parler à du monde que pour les intéresser. Puis quand il y en a que ça les intéressait pas, puis là, tout d'un coup, ils tombent sur moi, puis là, ils se rendent compte que, bon, il y a des affaires de même par rapport à ça, puis tout, ben là, je considère que c'est pas par rapport à moi que c'est arrivé. C'est pas pareil. Mais jamais je vais achaler le monde avec ça. Oui, ben je te comprends très bien, là. Moi-même, avec le temps, c'est sûr que j'ai vécu des chocs par rapport à certains membres de la famille, puis ils n'étaient pas nécessairement ouverts, mais c'était correct aussi. Puis avec le temps, ben, un peu comme toi, je suis très discret, là, dans le sens que je cherche pas à amener ça sur le terrain. Puis si ça arrive dans une conversation avec ma compagne ou avec ma mère, ben là, j'amène l'élément, mais je cherche pas d'en amener plus non plus. Ah non, parce que la branche de ma famille qui était liée au supramental, j'ai pas de contact avec eux autres. Puis l'autre branche, ben, il y a 2 personnes qui sont au courant. C'est tout. Sur pas mal de monde. Puis ils n'en parlent pas aux autres. Ils savent que je veux pas. Ben, ils ont ce respect-là, c'est quand même bien, là. Ouais, ben il y en a un, entre autres, lui, c'est parce que pour lui, c'est des folies. Ben, fait que bon. Puis depuis ce temps-là, depuis qu'il sait que j'avais une chaîne pis tout, il me parle plus. Fait que j'ai la paix avec lui. C'est ça, mais en même temps, sa perspective, quelqu'un très on va dire conventionnel ou cartésien, je peux très bien comprendre qu'il peut penser que ce soit toi, moi ou d'autres personnes, on est fou, parce que techniquement, si on prend le DSM qui est utilisé ici en Amérique du Nord, il y a plusieurs versions DSM-4, DSM-5 qui servent à faire un diagnostic de problèmes de santé mentale. Bon, ben, par rapport à la schizophrénie, il y a une liste de critères. L'un des critères fondamentaux pour faire le diagnostic, entendez-vous des voix? Fait que là, si tu dis que tu entends une voix ou ta voix intérieure te dit telle chose, ah, monsieur, vous êtes schizophrène. Moi, c'est parce qu'il faut relativiser, c'est pas pareil. C'est un schizophrène, ça va être. C'est pas pareil, c'est des hallucinations auditives, là. Puis, tu sais, dans le sens, ça se présentera pas de la même façon. De toute façon, j'ai des papiers qui certifient que j'ai rien de délirant. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais dans un sens strict, comme à Maton, Bernard de Montréal, il me disent que, ou ma voix intérieure me dit que, ah, monsieur, vous hallucinez, vous avez l'impression qu'une voix vous dit quelque Ben oui. chose, vous faites de la Là, celui-là qui est. dépersonnalisation. Parce que un délire schizophrénique, ça va être assez typique, là. Mais t'as personne qui va avoir un délire schizophrénique cohérent qui dure sur les mêmes registres pendant 40 ans. Je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui, si je T'sais. me fais l'avocat du diable, ben, ils vont dire, ben, c'est une schizophrénie légère qui vous amène pas à être dysfonctionnel en société, puis faire des états de psychose ou ce que vous allez être violent, mais il y a quand même quelque chose là, monsieur. Ben oui, parce que justement, ça devient la solution à tout, puis que c'est des raccourcis. Mais il reste, ça tient pas compte. Ça tient pas compte de tous les phénomènes observés qui vont au-delà de ça. Il reste, c'est de la paresse quelque part. Ben, je suis Puis. 100% d'accord avec toi. Je trouve que c'est très réductionniste. Puis notre Ben oui. science matérialiste qui est véhiculée en société l'est également. Puis, tu sais, il y a des gens, si je pense, le psychiatre Mayhew, tu sais, lui, quelqu'un qui va parler d'extraterrestres ou ces choses-là, à un moment donné, il a déjà dit, ah, il existe des pilules pour les gens qui disent qu'ils voient des extraterrestres. Oui, il y en a Ouais. qui peuvent vivre des hallucinations par rapport à ça, mais ça, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, là. Faut aussi faire attention quand on a soi-même. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a personne qui est parfait. Puis il n'y a personne qui a un parcours parfait. Ben oui, le Dr Puis Mayhew, il a été bon. poursuivi plusieurs fois dans sa vie. Là. À un moment donné, il y a des raisons derrière ça, là, aussi. Bon, il y a d'autres choses aussi. Mais bon, c'est deux choses que. On n'a pas à. Mais Ben, des fois, quand il y a il vécu. parle de certains sujets, on analyserait le langage corporel, là. Quand une femme commence à décrire, là, ben mon père, là, des fois, là, il voulait que je joue du piano à côté de lui, là, puis là, tout d'un coup, là, le document, il me sliche les babines, parce qu'il sait, hein. Puis on dirait que. Si, bon, il y a une sorte de petite. C'est pas parce que tu dénonces quelque chose que ça t'intéresse pas, des fois. Fait que, Oui. faire bien attention parce qu'on n'est pas tous. Il y en a qui ont l'œil vif. Puis, il n'est pas tout seul à être capable d'analyser. Dans le sens, pas une analyse, genre comme la psychanalyse, mais par l'observation, commenter, puis arriver des fois à certaines conclusions. Parce que moi, après l'avoir observé pendant. Moi, je l'écoutais assez cassé pendant longtemps. Puis là, quand t'as l'image en plus, ça rajoute de l'info, puis tout, j'ai fini par me faire mon idée. Puis je ne vais pas changer d'idée parce qu'il la confirme. Puis des fois, il y a des choses qui s'y arrivent, il y a des choses qui. Puis il ferme sa gueule. Des fois, il y a certains sujets qui arrivent, puis ça, ben, il n'en parle pas, il ferme sa gueule. Puis même le monde dans les commentaires vont dire, voyons, docteur, pourquoi vous dites rien? Pourquoi eux autres ils pensent qu'ils disent rien? C'est parce qu'eux autres sont naïfs puis ils comprennent pas. Mais des fois, il y a des petits conflits d'intérêts. Puis regarde, là, souvent, là, ils chiolent, ah, oh, ben ça, c'est votre folklore, blablabla. Ouais, ben lui tout, il a son folklore. Puis il y a ben du monde, ils ont fait partie de sortes d'affaires. Fait que à un moment donné, faire attention, là. Parce que l'affaire, là, avant d'enlever la paille dans l'œil du voisin, là, c'est pour ça qu'il y a certaines limites à ne pas franchir. En tout cas, Parce qu'il y en a qui en savent des affaires sur bien du monde. Puis là, c'est pour ça qu'il faut pas qu'il faire attention. Oui, Faites science exactement. qui est bon. Puis on n'est pas tout aveugle. Tu sais, moi, le docteur Mayou, c'est bien arrivé des fois, là, je l'ai trouvé dégueulasse. Puis Ben, je dis pas que t'es un mauvais bonhomme, c'est pas ça que je oui. dis. Mais c'est parce que des fois, moi, je trouvais ça bizarre. C'est que j'ai l'impression qu'il se délectait quand il était question de cas d'inceste. C'est ça. Puis il disait, Madame, Encore. racontez-moi des détails. Ah oui? Ah ouais. Puis le Ben père, là. il prenait la douche avec la petite. Puis la petite avait la face à l'odeur de son pénis. Ouais. Ben, quand tu es habitué à la radio depuis longtemps, puis qu'en plus tu étais dans un studio à part de ta co-animatrice, des fois tu l'oublies, la caméra. Puis, il était des fois, là, il y a certains sujets qui viennent. Ah, oh, ben là, mon père, il a juste cette télévision. Hey, là. Ah ouais, donne-moi des détails. Puis là, il en Ouais, mettait ouais, puis ouais. des détails. Jeannette veut savoir. Ouais, c'est ça. Fait que, à un moment donné, de faire attention, on a toutes nos failles. Exact. Fait que c'est juste ça. Puis il n'y a personne de parfait. Puis, tu sais, Moi, je dis pas. c'est ça, la critique que Oh. je ferais par Ah. rapport à lui, c'est qu'il mettait toutes les gens qui vivaient pas une expérience qui entrait dans son cadre de sa vision de la normalité, que ce soit par rapport à l'ufologie, la vie après la vie, la vie après la mort, le contact intérieur avec l'esprit, comme étant tout, ah, c'est tout des schizophrènes ou des gens qui ont des problèmes de santé Ouais. mentale qui doivent être médicamentés. Mais si lui, il y a du monde, c'est des hosties de malade pour lui qui c'est à faire attention parce que lui, c'est un hostie de malade pour d'autres. Il y en a va tout le temps d'en avoir un qui est plus lucide que toi. C'est ça, puis lui, de Fait ce haut que. de son diplôme de psychiatre, il a C'est rapide, la ça. vitesse, la gâchette rapide pour faire des Ouais. diagnostics, mais ça ne veut pas dire qu'il est dépourvu de failles puis qu'il ne pêche pas par orgueil, par fouet. Et voilà. D'ailleurs, en lien avec ça, il y a eu plusieurs poursuites qui ont été faites au fil des ans, là. Ouais, mais là, c'est des chicaneries entre. Ben, entre autres avec l'ordre des médecins, là, par Ouais. rapport entre autres ces mégadoses ou des propos qu'il a tenus, mais des fois je le trouve très sensationnaliste dans ses propos, le Doc Mayhew. J'ai l'impression qu'il cherche à être polémiste ou cherche le trouble, Ouais, il aime ça. là. Oui. Il aime avoir l'attention. Ah ouais. Mais là, à un moment donné, la petite grosse qui tient un strap, elle va y démener, il va pas tout le temps s'enlever la main à temps. Faire bien attention, surtout en prenant de l'âge. Les facultés cognitives sont pas les mêmes. Donc, des fois, ça pourrait qu'il s'échappe, puis bon. Puis, tu sais, quand on regarde aussi au niveau, en tout cas, mais tu sais, pas tomber là-dedans, là, mais il reste aussi que il y a certains groupes dans notre société qui existent, que techniquement, c'est pas des religions parce que c'est pas non plus des idéologies très fermes puis c'est possible ça mais quand t'es là-dedans pareil ben c'est du folklore pour certains autres aussi fait que chacun a son folklore puis il y a des affaires des fois que bon. Ben, c'est comme par exemple, d'une certaine perspective, quelqu'un qui est matérialiste, mettons, qui va aller dans le sens d'une vision là, où est très terre à terre du monde, ben, quelqu'un peut voir ça comme étant une forme de folklore, si la personne est immatérialiste ou adepte d'un Ouais, autre mais c'est pas de ça que paradigme. je parle. T'sais, ben moi, j'ai déjà vu son nom à travers d'autres. Certains. Bon. T'sais, dans le sens que il y a beaucoup de gens dans les médias qui font partie des patentes. T'sais, puis je veux dire, c'est pas des affaires. C'est pas secret, ça, pignon sur rue. Puis ils sont libres de dire s'ils sont là-dedans ou pas. Mais moi, dès que t'es là-dedans, j'ai une mauvaise opinion. Tout de suite. Ben, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on pile un peu sur des œufs, là. Disons qu'il existe Ah certaines ouais. sociétés discrètes qui tirent les C'est ficelles dans les ça. médias. Puis, Faites ça. bon. Moi, ça, j'ai ben, ben, ben, ben, ben de la misère avec ça. Ben plus que lui avec ce qu'il appelle les mouktouks. Tout ce qu'il voudra. Parce que le pire des folklores à mes yeux, c'est celui-là. C'est le pire. Parce que c'est très influent, puis il y a de l'in... Bon. Puis j'ai bien de la misère avec ça parce que c'est ça qui aboutit à ce qu'on a appelé, dans le fond, la société laïque moderne, qui est un fiasco. C'est vraiment un fiasco. Et le Doc Puis j'ai Mayo bien de est la un des misère avec ça. ténors de la laïcité au Québec, il en Ouais. fait la promotion. Tandis qu'il y en a du monde, ils en ont besoin, de la spiritualité, puis il y a un manque de respect quelque part. Puis il va y avoir une inversion accusatoire. Genre, il va essayer de nous faire croire, c'est eux autres qui manquent de respect, dans le fond, qui n'ont pas de respect. Tandis que du monde pieux, j'en ai connu, il était bien plus respectueux que lui, il ne sera jamais. Même au point, ils vont y pardonner. Ce que moi, je ne ferai pas. Mais pour en revenir à toi, parce que le vécu d'un processus de conscientisation par rapport à la masse nous met souvent dans une position de marginalité, surtout quand on se met à écouter une voix intérieure qui entre en communication avec nous, qui cherche à orienter nos comportements. Donc, de vivre ton contact avec l'esprit. Est-ce que, au fil du temps, ça a amené des changements de comportement significatifs? J'ai intégré des choses. Puis il y a certains comportements que j'avais que j'ai cessé. OK. Ben, j'ai pas eu de tant que ça de nouveaux comportements, surtout des choses que j'ai arrêtées. Moi, ce que ça m'a le plus fait, c'est que ça a arrêté des affaires. Puis progressivement, j'ai perdu des choses. Dans le sens que c'était un petit peu à une épuration, là. Donc, j'ai commencé à perdre l'intérêt pour socialiser avec les gens de mon âge à un moment donné. J'ai commencé à perdre l'intérêt pour ce qui intéressait la majorité. Après, j'ai commencé à avoir des pertes d'intérêt pour des intérêts que j'avais, comme par exemple la littérature, la musique. Ça m'a enlevé l'envie. J'ai même plus envie d'écouter de musique. Et après, j'ai perdu de l'intérêt pour. C'est tous des intérêts que j'ai perdus. Dans le sens que ça ne m'a pas apporté, ça m'a enlevé des choses. Oui, mais le point que je voulais t'amener, c'est que peut-être que ça t'a amené d'autres choses, dans le sens qu'aujourd'hui, on se parle, puis tu fais des enregistrements quand même régulièrement, là, de live, entre autres, d'enregistrements en direct devant le public. Donc, moi, j'ai l'impression que probablement que tu as été, à quelque part, mis en vibration pour faire ça. Donc, au lieu d'écouter de la musique, mais si pendant ta soirée ou le matin, parce que je pense que tu en fais plus le matin, tu fais un enregistrement devant le public, mais c'est une autre utilisation de ton énergie disponible. Oui, ben dans le fond, comment je peux dire ça, c'est que ça m'a tordu le bras presque. Parce que je voulais pas faire ça, dans le fond. Mais j'ai atteint tellement un niveau de colère à un moment donné envers certaines choses que je suis devenu que j'avais plus rien à perdre. Puis que même j'étais tellement en colère contre certaines forces que j'ai voulu parler. Parce que c'est ça qui est dérange. Puis c'est presque, même ça s'est servi de mes défauts. Ça s'est, parce que finalement, bon, j'avais un paquet de portes qui se fermaient. Puis c'était presque inexplicable. Dans le sens que j'avais tout le temps un traitement de défaveur. Puis des fois, c'était presque inexplicable. Je comprenais pas pourquoi. À chaque fois qu'une porte s'ouvrait, puis que je m'approchais, c'était pour me faire fermer en pleine face. Fait qu'à un moment donné, même à un moment donné, une dame avec qui j'ai travaillé, puis là, je dis, ah, oh, ben, j'aimerais ça pour tel projet, avoir, tel, si il y aurait possibilité que, en tout cas, certains projets, puis tout, puis je me faisais tout le temps répondre, on dirait que t'es blacklisté. Mais je m'étais déjà exprimé autrement avant. Puis finalement, j'ai fini par me rendre compte que j'avais des ennemis, mais je les connaissais pas. Mais j'avais été spoté jeune. Comme quand l'orienteur à Polyvalente me dit faut pas que tu ailles à l'université, tu vas pas, t'aimeras pas ça l'université. Puis il faisait tout me convaincre de pas y aller. Mais il y avait T'sais? peut-être des raisons. Est-ce qu'il t'avait fait faire passer un test d'intérêt? Pas du tout. OK. Non, c'est juste genre, on veut pas te tuer. OK, mais c'est de voir, tu sais, T'es quelqu'un un faiseur de qui troubles. Mais. T'es un faiseux de troubles, tu vas passer ton temps de chicaner avec la direction. On te connaît. Mais en même temps, tu es quelqu'un de contestataire. Ben oui, mais quand je vois quelque chose qui, selon moi, en mon sens, n'a pas de bon sens, j'ai pas le choix de le dire. C'est une question de principe. Puis je vais expliquer pourquoi. Puis le plus souvent qu'autrement, puis ça a été ma vie comme ça au primaire, au secondaire, puis après même dans d'autres études, c'est on a un problème avec toi parce qu'on sait pas de quoi te répondre, parce que dans le fond, t'as pas tort. Mais ça fait du trouble. Tu discrédites l'institution, tu discrédites l'autorité, tu discrédites tout. Puis on peut pas argumenter. Parce que, dans le fond, t'as peut-être pas tort, mais il reste que, C'est parce tu sais, que dans le fond, t'es fantasque, t'es fendant. c'est parce que Mais toi, moi, c'est t'es juste par dérangeant. honnêteté. Ouais, tu peux être honnête puis dérangeant. C'est parce que autrement dit, t'étais pas complaisant comme d'autres étudiants. Ben oui, mais c'est parce que il agissent dans le sens qu'ils vont être complaisants, dans le sens que c'est une forme de corruption. C'est genre, je vais te gratter le dos, gratte-moi le mien. Ben, le Fait que notre je Oui. suis prêt à donner du crédit à la menterie que tu m'enseignes, par faire semblant que c'est vrai pour avoir un bout de papier. Tu sais, moi, ça, je suis pas capable. C'est sûr que Je suis dans pas un capable de sens, faire quand on ça. le regarde, c'est une forme de prostitution ou de vendre son âme au Ben. diable, si on peut C'est dire. ça. C'est ça, les forces sociales. C'est ça, les être socialisé au sens d'un singe, là. Un animal social. Puis, moi, c'est bien de valeur, mais c'est comme à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, bon, à job, il y a un employé qui est parti. La page, je te passe, c'était une affaire, c'était une publication. Puis, le chef d'équipe, ce qu'il a proposé, c'est qu'on considère au niveau comptable comme s'il n'était jamais parti, puis on continue à se faire verser le salaire par la maison mère, puis on se le sépare à la gang. Puis cette personne-là m'a dit, est-ce que je devrais le dénoncer au grand boss à Montréal, là? Puis j'avais dit, moi, c'est ce que je ferais, mais je te le déconseille. Parce que tu vas te faire crisser dehors, puis ils vont tout faire pour empêcher ta carrière de continuer. Parce que moi, c'est le même, j'agis tout le temps. Mais Puis excuse-moi, j'ai juste suivi le bâton dans les roues. ce que tu ferais, ça serait de dénoncer ou pas de dénoncer? Dénoncer. OK. Ça n'a pas de bon sens de faire semblant que l'employé est encore là, puis se splitter le salaire au niveau des employés. Parce que la gang était capable de faire la job du gars, là. Non, je comprends, il pouvait camoufler ça. Mais c'est toutes des amanchures de même, Mais en partout, même tout temps, le temps. la société est faite que si la personne dénonce, elle peut être encore plus dans le pétrin que si elle n'avait rien fait. C'est ça. Puis moi, ben, je suis pas capable de pas. Mais en même temps, c'est que ça t'expose à une forme d'exclusion sociale. Oui, mais je suis pas capable de faire autrement. Comme le maire de la ville ici, c'est un pourri. Puis je peux le démontrer par la logique. Il n'y a jamais personne qui va me faire dire le contraire. Pourtant, tout le monde fait semblant que c'est un bon gars. C'est des pourris. C'est tous des pourris. Toute la gang. Il n'y a jamais, jamais, jamais mieux crever dans la rue que de dire le contraire de la réalité. C'est par la pourriture que ça marche. C'est une machine qui réessaie avec de la marde. Oui, ben écoute, je suis d'accord avec toi. Au fil du temps, j'ai recueilli beaucoup de témoignages de gens avec qui j'ai parlé. Je pense entre autres à une infirmière, arrive dans un milieu, mais c'est sûr que c'est un milieu syndiqué où que tout le monde se surveille. Elle veut bien faire, elle donne des meilleures qualités de soins aux patients que les autres. Fait que résultat, au lieu que les collègues l'apprécient puis s'inspirent d'elle, les gens qui étaient là, que ça faisait 10 ou 15 ans, ils ont mal fait paraître parce qu'elle se dévouait plus, puis les patients l'aimaient plus que les autres. Fait que résultat, elle s'est mis à dos les collègues de travail. Il y a eu de la médisance. En bon québécois, elle s'est fait bitcher. Puis finalement, son environnement est devenu tellement toxique qu'elle a dû quitter le milieu. Fait que la Je morale de sais, quand le l'histoire, monde, ils viennent pas dépressif, burn-out, suicide. Mais c'est exactement, quoi la mais morale, t'allais dire? c'est ça, la morale de l'histoire, c'est qu'il aurait fallu qu'elle reste low profile, qu'elle regarde comment que les autres font, puis si les autres font juste le minimum, qu'elle fasse juste le minimum, comme ça, elle n'aurait pas eu de conflit avec les collègues. C'est ça, puis moi, ça, je suis pas capable. Mais en même temps, si ça te permettrait d'avoir un salaire professionnel décent, Non, non, non, non, non, jamais, jamais, jamais. J'aime mieux crever dans misère, en étant honnête, en n'ayant rien à me reprocher, que de participer à quoi que ce soit de cet ordre-là. Puis le pire, c'est que c'est dans tout. Oui, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique, la corruption, c'est évident. Ensuite, dans le domaine scientifique, oui, c'est sûr que dans le fond, dans toutes les sphères de la société, il y a de la corruption à différents niveaux. Sauf qu'à un moment donné, quand tu regardes ça, quelqu'un, mettons, qui lâche le domaine infirmier, puis il s'en va, il se réoriente, mettons, dans le domaine de l'alimentation. Mais là, dans le domaine de l'alimentation, il peut avoir de la pression de l'industrie pharmaceutique pour faire des tests, dans le fond, dans l'analyse de viande, qu'ils sont pas vraiment valides pour camoufler que la viande n'est pas bonne. La première affaire qui viendrait à l'idée, c'est rendre tout ça public. C'est pour ça que j'essaie de m'impliquer dans rien. Je suis un danger pour moi-même. Puis après ça, on sait très bien le sort qui est réservé aux gens qui dénoncent sur place publique, ce qu'on appelle les lanceurs Oh, d'alerte. je m'arrangerais pour pas, moi, être impliqué. Il y a toujours moyen qu'il y ait des fuites puis que ça sente. L'affaire, c'est que les gens, que ça serait la job de rendre ça public, comme les journalistes puis tout, ben. Ils sont pas plus honnêtes que les autres. Fait Oui. que finalement, ça se rendrait pas, mais là, fait que là, je m'arrangerais pour que ça se rende autrement. Mais il reste que ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que ça va pas bien. C'est pour Oui. ça qu'il n'y a rien qui va bien. Il n'y a rien qui marche, Chris, parce que c'est le cœur de l'homme, c'est son âme qui est pourrie jusqu'à l'os. Il est corrompu à tous les niveaux jusqu'à l'os. C'est rien d'autre qu'un animal. Qui est polarisé dans son mental avec d'un bord le plaisir, puis de l'autre bord le déplaisir, puis il pense à rien que selon ça. Puis c'est superficiel, puis c'est de la merde, puis c'est du nivellement vers le bas. Il y a une place où j'étais, à un moment donné, il y a un dégât à terre, je pars pour le ramasser, on dit non, non, non, c'est le gars syndiqué qui c'est une mop qu'il faut qu'il fasse ça. J'ai dit, Chris, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, Là, en parce que. attendant, nous autres, on fait plus rien. Ben non, c'est ça, c'est pas logique. Puis si, dans le fond, tu le ramasses, tu peux avoir un grief syndical. C'est ça. Fait que moi, du monde qui marche de même, puis une société qui marche de même, qu'un fuck you dans le cul, manger de la marde. Si c'est pour être de même, ben Chris, on va attendre que ça tombe, puis on fera une autre société. Fait que je suis pas capable. Ça m'écœure. Ça me met en colère, ça me choque. Puis c'est tout de même. Dans Oui. tout. Fait que. C'est à différents niveaux, mais en effet, c'est que la société dans l'ensemble est corrompue. Mais en même temps, si tu te mets en retrait de la société, ben tu te mets en position plus de pauvreté, là. Puis, Ben, c'est sûr que ça t'appartient, là. C'est sûr que tu es sans ben, doute plus confortable dans ta conscience que de participer à une forme de il y corruption, a je le moyen de comprends, là. pas être dans la misère pareil. Il s'agit d'avoir un peu de jugeote. C'est tout. C'est là qu'on est forcé d'être créatif. On n'a pas le choix. Puis, au pire, ben, le monde qui sont de la même essence, ils vont se retrouver. Puis, il va tout le temps y avoir de quoi de bien de parallèle. Non, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui veut se retirer de la société, disons quelqu'un qui voudrait vivre en faisant des placements boursiers, ce que certains appellent du day trading, là, faire des achats, des ventes journalières, ben, les titres boursiers, même des produits qu'on va dire que c'est écologique, c'est un fonds nananien responsable, équitable, avec des belles politiques de gestion, mais ça se peut que là-dedans aussi il y ait de la corruption, puis. Ah ouais, c'est pour ça ces affaires-là, je touche pas à ça. Moi, les affaires vertes, je touche pas à ça. Je le sais que c'est de la. Bien, il y a ce qu'on appelle le greenwashing, là. C'est-à-dire qu'ils font miroiter que c'est vert pour écologique pour attirer une clientèle par rapport à ça. Bon, puis si je touche pas à ça, c'est pas parce que je trouve ça malhonnête, c'est parce que je sais qu'à un moyen terme, ça rapportera pas. Parce que c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est des fraudes quasiment, ça, là. Il y a certaines entreprises qui se disent vertes que tôt ou tard, le marché, ça va s'écrouler. Parce que c'est pas intelligent, puis c'est pas vrai. C'est pour ça que. Il y a bien du monde, là, ils perdent de l'argent. Ben oui, ce sont des affaires d'industrie verte, puis tôt ou tard, ils vont perdre leur argent. Quelqu'un d'intelligent, il garde ce qui est placé dans le pétrole, il garde ce qui est placé dans. Voyons, là. Tu sais, ben oui, mais le pétrole, ça pollue. OK, les cossins verts, là, de batterie, puis d'autobus qui pognent en feu, puis ça pollue pas, ça. C'est tout de la merde, c'est tout de la foutaise. Les chars électriques, il faut faire venir ça par cargo. Voyons donc, un cargo, ça pollue comme combien de chars, ça? Oui, mais sur la durée de vie de l'auto, c'est tout amorti, ça. Puis ça, finalement, par rapport à une Ben auto à oui. pétrole, ça a moins de pollution. C'est de la comptabilité créative, si on peut dire ça. Puis je crée pas ça. Ben, une valeur, parce qu'il faut tout faire venir ces pièces-là par cargo, puis tout, tandis que bâtir un char à pétrole ici, dans le temps qu'on avait du manufacturier, dans le temps qu'on avait comme, tu sais, certaines usines, ben, dans le fond, ça, c'était moins polluant que de faire venir des affaires de l'autre bout par Oui, mais c'est en cargo. contrepartie, l'auto utilise de l'énergie propre, c'est-à-dire de l'hydroélectricité Mais c'est faite. pas propre, c'est pas vrai. Mais c'est moins pire que le pétrole qui est issu du charbon. Ouais, OK, là, ouais, mais là, même là, tant qu'à moi, le char au gaz, il pollue moins. Dans le fond, si tu regardes vraiment, tu sais, les composantes de certaines affaires, puis la façon que ce que ça coûte recycler ça, ce que ça coûte pour sortir certaines affaires de terre. Tu sais, je veux dire, quelque part, c'est comme échanger une pièce pour 4,30 sous, puis là, tu essaies de me faire croire que c'est mieux. Bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a un gain quand même, dans le sens que c'est un peu moins polluant, tu sais, si on pense à Hey, l'hydroélectricité. regarde là, les autobus qu'ils ont achetés, là, ils touchent pas, ils pognent en feu, ils ont peur. Il y a des places, là, des municipalités. Ah, bien, ça, c'est peut-être parce que c'est une technologie qui n'est pas tout à fait à point. Ben pourquoi qu'on saute là-dedans à pieds joints si c'est pas à point? Mais c'est C'est parce là que. que je te dis qu'à long terme, moyen terme, ça sera pas rentable. Bien, c'est C'est parce pas que intelligent. c'est parce que c'est un petit peu comme l'auto à essence. Il a fallu qu'il y ait différents prototypes, puis différents tests, puis là, ça s'est Ben voyons perfectionné donc. avec le temps. À la fin du 19e siècle, avant qu'il y ait du monde qui fabrique des chars en série, ils étaient fabriqués un par un, mais c'était déjà au point. Il y en avait déjà des chars à gaz, puis c'était pas si pire. Puis... Dans le fond, là, c'est tout comment je pourrais dire ça? On nous vend des projets de société, puis des affaires, puis c'est pas aussi réaliste qu'on nous le dit. C'est idéologique, c'est politique, puis c'est des fois, c'est même irrationnel. On aurait été bien mieux de garder les usines d'auto qu'on avait, puis ils ont toutes déménagé, Chris. Pasteur, ils ont déménagé du manufacturier dans le tiers-monde au Mexique. Pourquoi? Parce que dans le fond, Chris, ils voulaient du cheap labor. Puis en même temps, ces endroits-là, les normes environnementales sont pas si grandes Et qu'en Amérique du voilà. Nord. Fait que dans le fond, là, si tu regardes vraiment comme faux, là, tu te rends compte que c'est toute de l'hypocrisie, puis c'est toute de la bullshit, puis c'est toute de la merde, puis c'est pas logique, puis ça se tient pas debout. Puis ça me choque. Ça me choque, c'est pour ça que ces affaires-là, moi, je touche pas à ça. Tu sais, je veux dire, même, il y a certains composantes que, ça, OK, mais finalement, je finis par m'en débarrasser. Mais ça a remonté, mais ça va retomber pareil. On s'en va vers une crise économique. Puis ils savent. Ils sont là, on dira, ah, ben, il y a une reprise, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, c'est ça leur reprise, là. Quand tu es là, ça fait ça, whoop, là, il y a une reprise ici, là, whoop, oh, une reprise, whoop, finalement, ça se ramasse à terre. Puis ça fait des années, d'os des reprises. Mon cul. C'est une gang de style manipulateurs. Puis dans le fond, c'est rien que ça. Moi, je vois rien d'autre que ça. Tout ce qui est social, tout ce qui est. C'est comme, regarde les sciences sociales, puis les lobbies, puis. Là, la théorie du genre, puis dans le fond, au bout de la ligne, Chris, c'est de vendre des hormones, puis c'est de vendre des molécules, puis c'est de faire des chirurgies, puis de faire payer ça parce que là, ça passe sur les programmes du gouvernement, puis c'est le monde qui vont payer pour ça, dans le fond. C'est encore une façon de vampiriser l'argent du monde. Ils sont là, ah oui, nous autres au Québec, on a donc de l'allure, puis tout, puis Chris, ça fait depuis Alexandre Taschereau que les chemins servent tant qu'à moi à fourrer le monde, puis c'est pas normal d'avoir les rues arrangées de même. Et on le voit bien que c'est corrompu, puis Chris, ça dure depuis des décennies. Je veux dire, ça c'était de même dans le temps que mon grand-père était ado, c'était déjà corrompu. Bien, c'est sûr que sur le plan historique, il y a toujours eu de la corruption. La question à se poser, c'est est-ce que ça va, dans le fond, on peut vraiment s'en sortir, dans le Moi, sens. ce qui m'écœure, c'est que si ça marche pas, qu'on s'en sort pas, c'est parce que les gens sont conditionnés à pas le voir. Puis ça devient, c'est carrément de la psychologie de masse. Puis on est quasiment dans suggestion mentale, puis dans magie noire rendue là. Ça m'écœure. Ça m'écœure grave. Ils sont là, ouais, les prêtres, ils abusaient des enfants, puis gna gna gna. Ils vont me faire accroire que la gang de travailleurs sociaux, que les professeurs dans les écoles, que tout le monde qui sont en contact avec les jeunes, il n'y a plus d'abus, là. Il y a juste l'Église qui faisait ça. C'est encore pareil à Laval, les réseaux de prostitution juvénile, que finalement que ça avait sorti puis qui aidait des petites à fuguer puis qui se ramassaient dans. Ou bien ce qui est arrivé à Québec, qu'au fond, on n'a jamais su les noms de tout le monde qui était là-dedans. Ils se sont servis d'un animateur de radio, c'est lui qui a porté le chapeau puis qui a servi de paratonnerre pour les médias. Puis finalement, on n'a jamais su qu'il y avait. Moi, j'en ai plein le cul de cette hypocrisie-là. Puis ça fait des siècles que ça dure, puis ça m'écœure. Tout ça m'écœure, tout. Puis là, ça, c'est là qu'au niveau de l'intégration, il a fallu que j'apprenne à rester sain d'esprit pareil. Parce que tu viens que t'es enragé, puis t'es enragé, puis t'es enragé, puis t'es enragé. Puis quand tu vois en arrière de ces structures-là, puis tu vois l'autre bord de l'hypocrisie, t'es en crise tout le temps. Puis t'as rien qu'envie de parler de ça. Il a fallu que j'apprenne à fermer ma gueule, puis à dire, OK, il faut pas que. Ben Tu ça, sais, je peux c'est dans pas. la vie de tous les jours, mais dans tes enregistrements, t'en parles. T'sais, des fois, Ben, c'est sûr que j'en parle, faut en parler à un moment Ben, donné. c'est ça, ça devient un lieu d'extériorité, de choses que tu peux pas Mais nécessairement moi, parler. mon but, c'est que le monde d'hostie, au lieu de se péter une dépression, puis de se suicider, ou bien de tomber ses pilules, Christ, qu'il fasse de quoi de concret. Parce que le monde, ils vont accepter ça, puis marcher là-dedans, puis jouer le jeu. Puis qu'est-ce que ça fait, finalement? Ils sont pas bien au fond d'eux-mêmes. Ils prennent des pilules, puis ils sont malades. Puis ils filent pas, puis ils font des burn-out, puis ils se suicident, que ça, c'est quand ils tuent pas leurs enfants, puis ils se suicident après. C'est-tu mieux, ça, là? Moi, je suis bien dans ma C'est sûr que peau, non. j'ai rien à me reprocher, puis je suis quand même relativement fier de moi. Puis que j'en trouve des hauts fonctionnaires, que au fond, c'est pas de l'orgueil mal placé, puis de la prétention qui fait qu'ils se maintiennent dans leur illusion, puis qu'ils sont capables de continuer, que dans le fond, au fond d'eux-mêmes, c'est des crises de pourri. Ben, Christ, à un moment donné, un jour ou l'autre, ça va sortir, puis ça va être le cancer ou bien ça va être d'autres choses. Et là, la loi karmique, quelque part, c'est bien, bien concret. Tu sais, je veux dire, c'est un effet, ça, là. Fait que moi, dans le fond, c'est ça nous. Tu sais, ça me donne. Je veux pas avoir vécu ma vie, puis avoir été complice de des affaires dans même, puis je fermais ma gueule. Puis j'aime autant. Parler, tu sais, puis être personne, puis avoir aucune crédibilité, mais être capable peut-être d'allumer un petit peu quelque chose chez le monde, que eux autres, ils peuvent faire de quoi là où ils sont. Puis que peut-être se rendre compte, c'est vrai que ça n'a pas de crise d'allure, au lieu de me saouler à la gueule, prendre des pilules, puis peut-être finir par me suicider, je suis peut-être aussi bien de faire de quoi dans le milieu là où je suis, tant qu'à être rendu, c'est mieux ça que de se rendre malade puis d'en crever. Oui, mais C'est encore ça là, qui n'a la pas de bon personne sens. peut-elle changer le milieu, comme le cas de l'infirmière C'est que je... une question de principe, c'est pas une question d'efficacité tant que ça, puis ça va procéder par accumulation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui cherchent à changer des milieux, on l'a vu sur le plan historique, dans certains cas, ça a été des gens qui sont devenus des martyrs ou des souffres-douleurs. Ben des fois, c'est peut-être mieux qu'il y en ait de même qui ouvrent la porte puis qui crèvent dans la porte, mais qu'après la porte est ouverte. Faut bien que ça commence quelque part. T'sais, tant qu'à crever, là, tant qu'à te rendre malade, tant qu'à être malheureux, là, ben Christ, essaye donc que ce soit pour quelque chose. Parce que il y en a bien, ils savent bien des affaires, puis ils ferment leur gueule. Puis c'est ça, moi, qui me choque. Parce qu'ils le voient, puis ils le savent, puis ils ferment leur gueule. Moi, il y en a une à un moment donné, il a dit, je le sais que c'est vrai, mais moi, j'ai décidé de travailler pour le système. Mais c'est ça, Hey! mais en même temps, il y a Par des... après, là, Ouais. quand j'ai vu qu'elle, sa gang, était forcée de se faire injecter, j'ai réécrit, puis bon, il est pas ingrat un petit peu le système, endurer ton crise de système. Mais c'est Yeah, parce là, que derrière tiens. ça, il y a des enjeux de survie, tu sais, si on pense entre autres à Ben oui, mais l'infirmière le que... monde, ils vont mourir, David. Ouais. Le monde, là, ils survivront pas pour des enjeux de survie. C'est-à-dire, on va se servir des instincts de préservation pour faire que le monde, il creuse leur propre tombe puis qu'il saute à pieds joints dedans après. Non, non, Trouves-tu que ça a du mais bon non, sens? non, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, si on se met dans la peau de la personne qui a deux enfants, puis elle a une hypothèque de maison à payer à chaque mois, fait qu'elle de perdre son emploi professionnel pour se ramasser à rien ou aller à un emploi au salaire minimum, tu sais, c'est... Ça te donne quoi d'avoir un emploi que t'aimes pas, puis avec des enfants malheureux, puis d'une maison que tu vas perdre? Il y en a que c'est vers ça que ça va aller, cette logique-là. C'est vrai. Puis là, ça finit, le bonhomme, il tue toute sa famille, puis se suicide. Il a pas compris, là. T'es aussi bien d'être honnête. T'es aussi bien d'être honnête tout de suite. que de faire de la procrastination puis de mourir de toute façon plus tard. Tes enfants, là, ils se font jouer dans la tête à l'école, sont malheureux, ils se ramassent ces pilules, puis ça te donne quoi, là? Puis toi, t'es là à faire une job que t'aimes pas, t'es pas bien dans ta peau, puis tu te sens sale en dedans, ça te donne quoi, là? Pour finalement vivre avec un bonhomme ou une bonne femme que t'aimes pas, dans une maison qui te coûte le cul pis les dents, puis qui finalement va perdre de la valeur à un moment donné, puis pour aller finir d'un CHSLD avec trois couches de marde, avec du monde issu de l'immigration qui arrive du tiers-monde, là, là, madame, là, gna gna gna, puis calisse, il y a de quoi là-dedans qui marche pas, puis c'est parce que justement le monde n'a pas de lucidité, puis ils n'ont pas de vision à long terme. Ils ont pas, ils voient juste une main, là. Oui, mais en même temps, si je me permets de faire l'avocat du diable ici, parce que, bon, ça fait environ 2 ans là, que Marc de la Salle est décédé, puis moi, je l'ai connu à travers ses enregistrements publics, ses conférences, mais aussi en dehors. Et un souper, parce que des fois, on se voyait, puis on allait au restaurant ensemble là, manger. Un souper que j'avais été avec Marc Lassalle, d'ailleurs ma compagne était là, il avait 49 ans à l'époque, puis il a dit, regarde, ma job d'enseignant, il avait un salaire professionnel, là, puis enseigner en Ontario là, le français de secondaire 5, là, on parle peut-être gagner, je sais, il disait 80 000, je trouvais ça beaucoup, en tout cas, 80 000 par année, en tout cas, Ben, c'est un collège privé. en tout cas, peu importe, là, il y avait C'est un pas ça. montant, il y avait un bon montant, puis il a dit, regarde, j'ai la vibration, je suis tanné de l'enseignement, je veux me consacrer à faire des conférences, à écrire des livres, puis il m'avait dit, je lâche mon travail à 49 ans. S'il lâchait à 50 ans, il y avait un montant de 15 000 $ de pension par année du réseau Ouais. scolaire. Puis un an avant, il a décidé de lâcher. Moi, je le regardais, j'ai dit, regarde, tu prends comme un risque, parce que si tu lâches ta job pour te consacrer à la conscience, puis au moment qu'il l'a fait, il est mort à 56 ans, là, fait que c'était à peu près 7 ans avant. Tu sais, puis jusqu'à la fin, en fait, il n'a jamais pu, dans mon sens, en vivre décemment, là, d'activités, de conférences, ou de vendre des enregistrements, ou écrire des livres. Ah ouais, mais c'était naïf et tout. Bien, Ça peut pas être. c'est là que j'allais en venir. C'est que, dans le fond, dans son cas, puis ma compagne était là, puis moi, des fois, j'utilise ma compagne comme témoin pour pas que les gens disent, ah, t'imagines des choses. Mais là, si on a deux à témoigner, ce qu'elle dit, c'est que les plans lâcheraient jamais un étalon comme moi. C'est quelqu'un qui est plein de potentiel C'est comme fait moi. à. Ben, c'est fait C'est pour ça qu'il avoir. faut jamais croire. Astis, c'est des astis. Oui, mais C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents d'une certaine façon, c'est plus intelligent que nous autres, mais ils ont aucune pitié, ils ont aucune empathie. Eux autres, tout ce qui compte, c'est que justement que c'était que lui, il parle. C'est tout ce qui comptait. Lui, il s'en foutait de lui. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ça peut pas être un métier. Mais c'est le point que je voulais en venir par rapport au propos qu'on tenait, c'est que lui, dans le fond, dans la vibration, il y a une vibration de lâcher son travail, puis il aimait plus ça, puis regarde, je le comprends aussi, Ouais. là, dans le fond, lui, il était avec des adolescents de secondaire 4, secondaire 5, puis là, tu sais, le monde, il s'en foutait de ses cours de français ou jouait à la police avec eux autres, c'est vrai que c'est plate. Mais bon, en tout cas, bref, il y avait une bonne job. On s'entend, là, un emploi d'enseignant comme ça, en tout cas au Québec, dans les milieux des gens que je connais dans le domaine de l'enseignement, avoir un poste permanent, temps plein, en tout cas dans le passé, là, c'est sûr que présentement, il y a une pénurie, mais en tout cas, bref, ça pouvait prendre plusieurs années, là, un 5 ou 10 ans, là, avant d'obtenir ça. Fait que pour moi, de le voir qui renonçait à ça, moi, je reflétais en disant, ben écoute, si tu vois pas que l'achalandage augmente dans tes salles ou les ventes de conférences, si tu vois pas que ça augmente, je vois pas la logique de faire ce type de mouvement-là. Puis lui dire, ah, oh, toi, tu es trop calculateur, puis les forces ne seront jamais un étalon comme moi tombé, puis j'ai la vibration de faire ça, c'est comme mon destin, puis là, il en mettait, puis. C'était vrai. C'était sa programmation. Puis il l'a fait. Oui, mais ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il a fait le geste de passer en fonction de sa vibration, mais il n'a pas été supporté par les plans. Puis dans les années qui ont suivi, il s'est endetté sur le plan personnel d'une manière quand même importante. Puis à un moment donné, il était pogné à refaire des contrats pour des raisons de survie, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il paye son loyer aussi. Tu sais, c'est bien beau dans les premières années parce que, bon, à chaque année, il mettait de l'argent pour sa retraite. Fait que là, il Oui, mais arrête. d'un point de vue de la loi karmique, là, en tant qu'âme, il y a bien moins de dettes. Parce que ça va servir ce qu'il a fait. Plus que, bon, Mais ça, c'est au niveau des subtils. C'est C'est ça, difficile pour mais nous autres de le voir. je veux dire, en termes de qualité de vie, je peux parler puis témoigner de ce que j'ai vu. C'est que dans le fond, il a dit ça, puis là, avec le temps, ben, l'argent qu'il avait diminué. Naturellement, les salles ne se sont pas remplies après qu'il ait fait ce passage-là à l'UAC. Il n'a pas été supporté par les salles. T'sais. Dans les salles de conférence, il pouvait avoir peut-être entre 5 puis 20 personnes, là. Il n'y a jamais eu des salles de 500 personnes comme Bernard de Montréal. Donc, ça l'a jamais augmenté. Fait que là, l'argent rentrait pas. Puis l'argent qu'il avait de côté puis qu'il avait épargné de sa vie d'enseignant, ben diminuait, diminuait. Puis il s'endettait aussi. Fait que là, à un moment donné, il s'est ramassé à faire des contrats de remplacement, mais il te retombe au bout de l'échelle, là. Tu sais, tu te fais appeler le matin parce que quelqu'un, un prof, il est malade, Ah oui. puis là, tu surveilles la classe. Mais ça, il payait pour ça quelque part, ben, c'était parce que c'était naïf, comme tu dis. Mais rester à faire ce qu'il faisait, ça aurait été naïf. Mais en même Tant temps, que peu importe ce que tu fais, là, tu vas être. Tu sais, je veux dire, s'il aurait été malheureux, s'il n'avait pas fait ça, puis en faisant ça, c'est mal. Peu importe ce que tu fais, ça, dans le fond, là, tu vas payer d'une façon ou d'une autre. c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est mettons, il aurait continué comme enseignant. Puis ça aurait été facile, là. Il y a plein d'années d'expérience comme enseignant. Il reste sur le pilote automatique. Tu fais le minimum de gestion de classe avec les élèves, t'empoches ton cash. Puis tu peux pas te faire mettre à la porte parce que tu es syndiqué, à moins que tu fasses une faute grave, là, style attouchement sexuel sur un élève. Mais à part ça, là, si tu fais juste ta petite affaire tranquille, tu parles pas, tu critiques pas le système, t'empoches ton argent. Tu sais, Bon, mais t'en dois bien plus au niveau après, là. C'est pas de l'argent, c'est pire. ben, c'est parce que ça dépend. C'est parce qu'il y a le principe aussi que je voulais aborder, la question de la qualité de vie de l'être humain. Puis que si l'être humain sacrifie au nom d'un idéal spirituel, il devient une forme de martyr. Ça dépend. Parce que c'est toujours de la façon que tu prends ce qui t'arrive qui va faire que t'en souffres ou pas. Tu sais, je veux dire, un mystique là, qui vit dans une grotte puis il est heureux de même, là, bon, il y en a, c'est arrivé. Puis il mangeait des bébites puis il était content pareil. Il y en a d'autres, là, ils gagnent 300 000 par année, ils sont malheureux. Fait que c'est plus une affaire de perception. Tu sais, moi, je suis bien content d'avoir eu de la merde puis de la misère. Parce qu'à cette heure, c'est bien plus dur de me faire peur. C'est bien plus dur aussi me faire craindre. T'sais, dans le C'est fond, je m'en ça, mais c'est fous, parce là. que le point que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui fait un choix en fonction d'une vibration, de ce que j'ai vu dans sa vie, c'est qu'il ne va pas nécessairement être supporté par la suite, par les plans, pour être capable Ben, de vivre décemment là, de le son but, activité de c'était qu'il conférence. fasse ce qu'il a fait, c'était pas que ça y rapporte. Mais ça, c'est la carotte. Ça veut dire que pour qu'il accomplisse sa programmation jusqu'au bout, ben, il y avait une illusion, là. Bien, souvent, ce qu'il me dit en lien avec justement ce qu'on parle, sa carotte, c'est que Bernard de Montréal lui aurait prédit que vers la fin de sa vie, ses choses commenceraient à lever, ses conférences, ses activités. Fait que lui, à mesure que sa vie passe, bien, il dit ça se rapproche. Puis il dit ça fait partie de ma programmation. Bernard de Ben Montréal me oui, l'a mais faut dit. pas le croire, Bernard. Bien, c'est ça. Fait Tu que. sais, c'est là pour ça que c'était. S'il l'avait pas cru, ça serait peut-être arrivé. Tu sais, c'est aussi con que ça, là. Parce que c'est des hosties de chiens, ces forces-là. Puis nous autres, on a l'air des petits-enfants qui se plaignent. Puis ils n'ont pas de. Je veux dire, ils vont pas être fins. Oh, c'est vrai, tu fais pitié, tu le mérites. Mais quand que je vois ça, tu sais, dans un sens, moi, je vais dire, ben Chris, si supporte pas la personne, pourquoi qu'elle lâcherait, mettons, son emploi d'infirmière ou d'enseignante qui lui donne un revenu décent pour se consacrer à quelque chose où la personne ne sera pas nécessairement supportée financièrement par la suite pour être capable de vivre décemment? Ben, une fois que tu l'as vécu, t'es bien moins naïf. C'est parce qu'on est naïf qu'on vit des affaires de même. Dans le fond, t'es bien mieux de pas avoir trop d'espoir. Puis d'être capable de t'habituer à peu importe quoi. Mais c'est ça, mais le véhicule de marque, parce Tu que, devrais pas en souffrir tant que ça, là. ben, écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que, disons, je vais être délicat ici, c'est que si Marc ne serait pas décédé du mystérieux accident de vélo. Disons que probablement qu'aujourd'hui, il serait très endetté, il aurait peut-être fait une faillite personnelle, puis il bénéficierait peut-être, il serait peut-être sous l'assistance publique, là, même si c'est pas ça qu'il voulait à la base, là, mais il n'aurait pas le choix. Puis peut-être que son. Ben, peut-être ça l'aurait forcé à faire d'autres choses. Tu sais. Lui, il me disait, j'ai pas la vibration de faire d'autres choses, je suis venu sur la Terre pour parler, puis faire des Bon, ben livres, là, puis. ça, c'est comme être borné. Ouais. Parce que t'es mieux d'être forcé à faire ce que tu fais par les circonstances que d'être dans l'illusion que c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis finalement d'être forcé à rater. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il faut pas donner d'importance trop. Tu sais, je veux dire, c'est comme si je missionnais pour ça. C'est ça ma programmation. La programmation est bien difficile à identifier en temps réel. Je le sais que si j'avais jamais eu certains problèmes, j'aurais jamais été assez en crise au point d'avoir la volonté de parler. Mais jamais j'ai mis aucun espoir là-dedans que ça allait m'apporter quoi que ce soit. Puis je le sais que c'est pas pour moi que je le fais. Pas naïf à ce point-là, ça n'empêche pas que Marc de la Salle y a amené des affaires intéressantes qui sont valables. Mais au niveau de nous-mêmes, on se trompe tout le temps. C'est pour ça que je fais pas confiance à ce que je pense de moi. Ou puis je donne pas d'importance à ce que je fais. Parce que je me suis fait avoir tout le temps de même, puis j'ai fini par voir comment que. Bon, l'affaire de la carotte, là. Fait que. T'sais, à un moment donné, bon, tu te dis, ah, ben, je vais faire telle affaire, puis là, ça a l'air de marcher, puis là, c'est sur le bord de marcher, puis là, paf, ça s'écoule tout d'une shot, puis tu dis, voyons, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Puis là, tu t'en vas sur d'autres choses, tu te recrées des espoirs, là, tu te remotives, tout, Ben, ça puis fait là, penser. tout va bien, puis tout le monde te Ouais. prédit que ça va marcher, puis il arrive des circonstances qui ont l'air fortuites, mais ça ne l'est jamais. Paf, ça ne marche pas. Puis c'est pour ça que je te dis, toutes les portes se referment. Fait qu'à cette heure, quand je vois une porte ouverte au loin, j'y vais pas. J'observe, je surveille. Mais je donnerai jamais d'importance à ce que je fais, je peux pas. Non, mais je comprends, mais en lien avec Marc, c'est que lui, dans le fond, j'ai quand même suivi là, sur 9 ans, c'est-à-dire j'ai fait des enregistrements avec lui, je l'ai rencontré en privé, échange privé aussi. C'est que à mesure que le temps passait, puis il recevait des messages, puis quand il recevait, je sentais, étant sincère, là, comme de quoi que ça lui disait intérieurement, que ça se rapproche, que ça va lever tes choses. Mais là, Christ, finalement, les années passent, puis il meurt. Fait que là, c'était comme une espèce de principe pour le garder en action pour de la diffusion, j'ai l'impression. Puis moi, ça me laisse une espèce de goût amer, comme s'il aurait été manipulé là, pour, dans le fond, faire de la diffusion tout de son Ben vivant, oui, mais sans être c'est capable d'en ça. vivre décemment. Ben oui. Tu sais, dans le fond, là, c'est parce que nous autres, on pense selon le mérite, puis on a une vision. C'est comme quand je te disais tantôt, j'ai dit à un moment donné, j'ai été prévenu à la dernière minute d'une fraude. Puis par après, j'ai dit, si c'était pas un service que je rendais à quelqu'un, puis que ça avait été mon argent, vous m'auriez pas prévenu. Puis ils me l'ont avoué qu'ils ne m'auraient pas prévenu. Puis ils m'auraient laissé mettre dans la marde. Puis je suis rendu à un point que je le sais que c'est de même. C'est des hosties. Dans le sens que le seul but, c'est qu'on pète de la naïveté, puis qu'on intègre certains principes. Puis pour ça, c'est plus important ça que même notre propre vie. Parce que de toute façon, un ego, ça meurt. Fait qu'eux autres, de la façon qu'ils voient ça, ils s'en calissent. Nos vies n'ont pas de valeur à leurs yeux au niveau de l'ego, au niveau égoïque. Tout ce qui compte, c'est de créer de la conscience, puis plus de conscience, puis qu'on brûle de la naïveté. Quitte à ce qu'on en meure, ils s'en calissent. Puis même que si tu es forcé à répondre là-dessus, ils vont l'avouer. Ils finissent par le dire. Dis-moi, c'est pour créer de l'expérimental, puis que créer des humains de moins en moins naïfs, dans le fond, que la souffrance a de plus en plus à se transmettre en conscience, la souffrance expérimentale. Puis si accordez-vous de la valeur à la vie de l'ego, ils vont dire non, juste au résultat possible, au potentiel possible par rapport à ça. Puis si t'es là à dire ouais, mais je mérite mieux que ça, ils vont le dire, ça marche pas selon le mérite. Ça n'a pas rapport avec le mérite. Ce qui compte, ce qui importe aux yeux de ces affaires-là, que c'est inhumain dans le fond, c'est juste d'engendrer plus de conscience. d'une génération à l'autre, puis qu'à un moment donné, il y ait des prototypes d'humains de moins en moins naïfs, puis de plus en plus conscients. Ils s'en calissent que tu aies une masse de 600 000 personnes de plus en plus endormies, tant que de temps en temps, tu as deux, trois personnes, un prototype encore plus conscient qui apparaissent. Puis pour ça, ils vont engendrer encore plus de souffrance dans la matière, encore plus de souffrance expérimentale, puis ils n'en ont pas de compassion, puis ils n'en ont pas d'empathie. Puis si tu veux être heureux, si tu veux être bien, c'est toi-même qui va être forcé de le faire par toi-même, puis jamais ils vont t'aider. Jamais. C'est bête de même. C'est pour ça que l'affaire, tu regardes la passion des martyrs, puis tout, c'est tout le temps dans leur chair, c'est tout le temps dans le. Puis il reste que c'est de même qu'ils s'ouvrent des portes, puis Mais des en lien portes. avec ce que tu dis, si le but c'est justement que les gens arrêtent d'être naïfs, ben à ce moment-là, c'est d'être constamment dans une attitude sceptique. Non. Ben ce que je veux dire, Parce que c'est que. quelqu'un qui n'est pas naïf, il voit. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, si je prends mon cas, parce que en théorie, je suis posé d'avoir un enfant avec ma compagne dans les prochains mois, au moment qu'est faite la capsule. Bon, ben, dans mon cas, comme je dis à ma compagne, si la tendance se maintient, on est censé avoir un enfant. J'espère que ça fonctionne, mais je suis détaché parce que je sais très bien qu'à la dernière minute, il peut y avoir un événement qui fait en sorte qu'elle perde le bébé ou peu importe. Ben oui, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être fataliste. Dans le sens où on est porté à faire de la projection beaucoup. Tu sais, dans le fond, moi, à ce temps, c'est j'observe ce qui se passe. Puis là, à un moment donné, je vois de quoi, puis bon. Mais l'affaire, c'est parce que si on se fait des faux espoirs ou des inquiétudes, on est encore dans ce jeu-là. Ok, non, je comprends. Autrement dit, il faut rester neutre. Ben oui, parce que dans le fond, on ne le sait pas. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être plus salutaire pour quelqu'un qui a été naïf beaucoup dans le passé d'être un peu plus dans la polarité sceptique pour en tout cas se rééquilibrer à court terme. Moi, je m'engage, comme j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis je disais, je pense pas que ça va nécessairement aller mal, plus mal pour moi, de la même façon que je pense pas nécessairement que ça va aller mieux. Je suis même plus capable. Donc, j'ai pas à être sceptique étant donné que j'y crois pas non plus. Fait que comme j'y crois pas, j'ai pas à être sceptique. Puis, comme j'ai pas d'espoir ni d'enthousiasme, j'ai pas à avoir de fatalisme ou d'inquiétude. Mais juste par rapport à Marc Lassalle, il m'est venu en tête, là, ça me dit intérieurement que les forces lui avaient pas menti, parce que à mesure qu'il se rapprochait de la mort, ses choses ont levé davantage, dans le sens qu'une fois qu'il est décédé, j'ai mis ses enregistrements en ligne, puis j'ai eu des fois des 500, des 1000 vues. Or, quand il avait fait les enregistrements, des fois, on en vendait deux, trois, tu sais. Fait qu'en termes de visibilité, oui, ça l'a augmenté. Fait que, dans un sens, les forces n'ont pas menti, sauf qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne seraient pas vivants pour bénéficier de ça. Ben oui, ben des fois, de la façon que ça se présente, tu te rends compte que ça a été honnête, mais ça s'est arrangé pour que tu n'interprètes pas bien. C'est ça, là. C'est que ces hosties d'intelligence-là, ça s'arrange qu'on interprète tout croche. Parce que des fois, tu vas être forcé à être honnête, puis dis là, arrêtez de. Je veux. Puis ils vont dire, OK, c'est comme moi, jamais ça va me dire, ah, là-dessus, tu as raison. Et ça va tout le temps me répondre, ah, t'as pas tort. Puis ça devient fatigant, c'est tout le temps des jeux de même. Ou bien t'as pas tout à fait tort. Il laisse tout le temps. Mais il reste que. C'est comme des fois je dis allez-vous m'aider, tu sais, si peux-tu avoir un petit peu d'infos, puis tout. Finalement, ça va me faire la leçon, genre, le meilleur moyen de t'aider, c'est de te laisser t'arranger, parce que c'est ça, l'évolutionnaire. Fait que tu veux plus de ci ou de ça, tu veux de bon, ben fais-les. Donc, au C'est à toi niveau de le faire, financier, c'est. tu peux pas attendre aucune aide des forces. Ben non, ben ça va me dire si t'apprends à t'en passer plus, puis à pas espérer plus, puis à te contenter de ce que t'as, il est où le problème? Là, finalement, je regarde ça, je dis oui, mais je peux toujours avoir mieux. Puis ça dit toujours, le mieux, c'est pas de l'extérieur que tu gères, le mieux, ça va être toujours toi qui intègres. Enfin, c'est pas de la transformation, ça prend de la transmutation. Tu te plains pour rien. Ça passe son temps de dire tu te plains pour rien. T'es tout le temps en train de chialer. T'es tout le temps en train de nous chialer à peine. T'es tout le temps comme si c'était de notre faute. C'est pas nous autres qui est incarné dans ta vie. C'est toi qui gères ça, qui est supposé gérer ça. C'est toi qui est supposé péter de la programmation. À la place, tu te fais mener par le bout du nez. Fait que Mais en dès que même tu vas temps, croire, on va te bullshitter tout le temps. Oui, mais en même temps, quand il y a une partie que c'est de leur faute dans le sens que si tu mets des événements oppositionnels que tu es confronté dans une période de temps très courte, ben c'est eux autres qui te font opposition. Pas nécessairement. Je finis par voir que ça n'a pas rapport parce que c'est ma programmation à moi. Eux autres, c'est juste comme des techniciens qui commentent ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, c'est pas leur programmation à eux autres, c'est la mienne. Avant, là, d'être ici, là, comme un ego qui chiale puis qui est puéril puis stupide, j'étais un des chiens. Tu sais, je veux dire, je me suis pensé tellement hot que j'ai voulu descendre dans la matière. Puis vivre ça. Puis là, je suis là, ben là, je suis pas content. Je suis pas content. C'est pas le fun, c'est pas drôle. Ben oui, mais. Tu sais, je veux dire, c'est ma programmation. Tu sais, c'est pas comme si. Mais en même temps, ta programmation, est-ce que tu l'as vraiment choisie de manière libre Pas et en tant éclairée? qu'ego. Pas en tant qu'ego. Mais c'est pas réel, ça. Les choix qu'on fait en tant qu'ego, c'est pas réel. C'est pour ça l'affaire, le libre arbitre. Tu sais, je veux dire, une fois que tu regardes ça, là, un autre niveau, tu te rends compte, ben non. Je peux pas. J'ai pas choisi ça, c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Est-ce que je subis ça? Oui, l'ego subit parce que c'est dans sa nature. Il est réactif. Donc, il sera jamais content, lui, l'ego. C'est sûr, c'est rien qu'une lentille qui sert à engendrer de l'expérimental, puis à intégrer. Puis à créer de l'expérimental, puis dans l'espace-temps. Alors que dans le fond, ce qui est important, ça se passe à d'autres plans. C'est ça qui est le plus. Tu sais, dans le fond, là, faut. C'est comme des fois, je chiale, puis je dis vous autres, vous avez jamais eu le courage de descendre dans la matière. Mais finalement. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ben finalement, que ça n'a pas rapport. Que c'est n'importe quoi. Si j'ai eu la, comment je pourrais dire ça, l'impétuosité, puis un début d'orgueil qui a fait que la gravité psychomatérielle m'a attiré jusque dans la matière, au point où ce que je viens d'engendrer l'expérimental dans la matière, c'était lié à moi, pas à ceux qui l'ont pas eu. T'sais, chaque chose a sa place. Dans le fond, on est attiré. Il y a des forces qui sont attirées par le plan matériel, un peu comme selon des lois de gravité. Mais c'est pas ça commence à se densifier, mais c'est pas lié à ce qui n'a pas commencé à se densifier, c'est lié à nous autres, sur d'autres plans, à nos contreparties, à nous autres. Pas aux autres qui c'est pas qui sont pas incarnés dans la Non, non, matière. je comprends. Nous autres, en tant qu'esprit, qui a généré un ego par la suite, mais le point, c'est qu'une fois qu'on est dans la matière, sur le plan physique, un peu comme quelqu'un qui va en voyage, la personne va en voyage, puis finalement, elle se plaint, ah, oh, il fait trop chaud en Floride. Mais ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, elle peut quitter le lieu du voyage, aller à une autre destination, puis l'être humain est comme gardé piégé dans la planète sur Terre en quarantaine. Ben oui, parce que là, une fois que tu as atteint tu as commencé un processus d'incarnation, tu vas être pris dans la roue de ça jusqu'à ce que tu aies tout, que tu te sois allégé de tout ce qui t'attire vers la gravité incarnationnelle planétaire. Fait que tu es pris pour revivre la mort, puis revivre la mort, puis revivre la mort, puis devenir de plus en plus sophistiqué, de plus en plus léger, jusqu'à ce que. T'atteignes une capacité que finalement tu vas pouvoir monter un petit peu au-dessus d'où ce que tu étais quand tu es descendu la première fois. Puis c'était ça le but. Puis c'était ça la pogne, c'était ça la carotte à ce niveau-là. Parce que l'intelligence, en dehors du temps et de l'espace, ça vient statique, puis il n'y a pas d'évolutionnaire. Il faut maintenant qu'il y ait une incarnation dans le temps et l'espace, puis engendrer des affaires, puis tout, puis à un moment donné, quand. Fait que là, ça remonte un petit peu plus haut une fois que t'es sorti de ça. Mais il reste que c'est comme si on était des fraîchiers dans le fond. Parce que une tant que t'es pas dans la matière, ça a l'air facile, ça a l'air d'une game. Oui, ben c'est ce que je vais Tu joues appeler être moi. un gérant d'estrade, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde les joueurs de hockey là où assis confortablement dans un siège en mangeant du pop-corn peut dire ah moi si j'étais ce joueur-là j'aurais fait telle passe à tel autre ou Mais d'un autre côté, quand le joueur, que son instructeur, il dit, ben là, t'as mal joué à soir, il dit, ouais, on sait bien, c'est pas toi qui étais sur la glace. Mais lui, il va te répondre, ben oui, mais c'est toi le joueur, justement. Moi, je suis là comme entraîneur. C'est sûr, c'est pas moi qui suis à la glace, c'est toi qui suis à la glace. Mais en tant que spectateur, je peux te dire objectivement que tu jouais moins bien que l'autre soir, pareil. Ça fait pas que j'ai tort parce que c'est pas moi qui est allé sur la glace. Oui, mais l'autre peut dire, compte tenu du contexte puis des circonstances, je pouvais pas faire mieux. Ben oui. Mais ça, c'est sûr, ça l'est, la programmation. Fait qu'on peut toujours chialer. Je pouvais pas faire mieux. Mais de là à blâmer. Mais quoi que, dans le fond, ceux qui font des programmations, à mon avis, doivent être quand même critiqués parce qu'après tout, tu as des gens. Qui vont, ils vont se suicider, qui vont vivre des dépressions, qui vont devenir dysfonctionnels. Fait qu'il y a, les programmeurs ont comme une part de responsabilité C'était aussi. ça, la programmation. C'est juste nous autres, de notre point de vue. Après, on regarde ça, puis c'est à l'individu incarné de briser ces programmations-là. T'es pas pour. Admettons, t'es un programmateur de jeux vidéo. T'es pas pour faire un jeu vidéo trop facile que tout le monde réussit tout. Il faut qu'il y ait des niveaux de difficulté, puis tout, tout. Fait que ces programmations-là, de base, qu'un ego incarné, il est pas capable de. Il est pas capable de briser tout de suite. Ben, c'est normal qu'il creve. Après, il revient. Puis là, c'est déjà plus à un autre niveau. Tu sais, par la répétition, tu rejoues au même jeu. Ouais, fait que là, tu apprends à te déplacer dans le jeu. Il y a un effet d'apprentissage. Si le jeu il est trop facile, puis tout, tu n'acquiers rien. Il n'y a rien. Il n'y aura pas de la conscience nouvelle qui se crée. Toutes les forces évolutionnaires, il n'y en aura pas. Non, non, je comprends. Si le jeu est trop facile, tu montes pas en intelligence parce que t'es pas confronté à des énigmes ou à des trucs à résoudre qui font appel à ton intelligence. Ben oui, c'est comme suite à l'affaire qu'on avait faite, puis genre, ben, la vie, c'est pas mal de la merde. Il y en a après qui écrivaient, ouais, mais pour que la vie soit moins merdique, voyons, qu'est-ce qu'ils comprennent pas ce monde-là? Je dis pas que c'est pas correct. Il faut que ça soit de la merde, c'est le matériau de la conscience, puis de l'évolution, la merde. Si on n'a pas ça, on est statique, puis il n'y a rien qui va se créer, là. Le peu de conscience qu'on a, c'est à cause de ça. Bien, c'est-à-dire que ça prend des oppositions pour que la conscience se développe. Par contre, le point par rapport à ça, moi, la façon que je vois ça, c'est que le danger, c'est de polariser toute la vie comme étant négative. Puis là, la personne, Non. elle reste tout le temps avec un état Ça, de dépression chronique. c'est comme la personne qui me répond, ben, pour que la vie soit moins merdique, blablabla, c'est parce qu'elle interprète à travers la polarité dans son mental ce que je dis. Non, non, je Parce que comprends moi, ce dont qu'elle. je parle, c'est pas polarisé de la façon dont je le vois, Je au comprends qu'elle contraire. vérifie, elle le réfléchit d'une manière psychologique, ton propos. Sauf que le point, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, la vie, je vois ça comme étant des programmes ou étant neutre, dans le sens que si quelqu'un passe ses journées à dire que la vie, c'est de la merde, à un moment donné, t'as plus le goût de te lever le matin et puis te mettre en Ben oui, action. mais ça dépend de la définition de la marthe. Tu T'as raison. sais, moi, mes yeux, la marthe, c'est le matériau de la conscience. C'est comme le fumier dans un jardin. C'est ça qui Oui. fait que ça fleurit. C'est aussi indispensable que la lumière du soleil ou que l'eau qui tombe. Tu sais, tu as besoin de différents niveaux, de différents types d'affaires. Puis le côté souffrance expérimentale, il est nécessaire. Je ne le polarise pas, moi, dans le négatif. Fait que je pourrais me dire tous les jours, la vie, c'est de la merde, peut être de bonne humeur pareil. Non, non, Ça je me comprends dérange que pas. t'es dégagé de la forme. Ben, je suis bien plus. Je me sens. Quand je pense à ça aujourd'hui, des fois, je pense à un moment donné, il y a des moments de ma vie que ça allait mieux que ça, quand même, un petit peu. Puis tout. Ben, j'étais bien moins bien dans ma peau à cette époque-là que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, plus ça va, plus je m'en calisse. Je m'en fous. Sais, je veux dire, c'est parce que je donnais de l'importance. Puis c'était psychologique, puis c'était subjectif, puis c'était le mental inférieur. Je donnais de l'importance psychologiquement au niveau d'une valeur à mon expérience. Puis plus ça avance, moins je donne de valeur. Puis moins je donne de valeur, on dirait que moins je me mets les pieds dans les plats, moins je me trompe, puis plus ça va vite. Mais finalement, là, je suis pris d'une situation comme que j'accomplis ce qu'on pourrait appeler une espèce de contrat d'âme. Puis bon, c'est correct, ça va être ça le temps que ça dure, mais après, je vais passer à d'autres choses. Mais j'ai jamais pensé, par exemple, que ce que je fais par rapport à la conscience puis le supramental, ça allait me servir à moi. J'ai jamais pensé ça. C'est mon expérimental puis mon observation en temps réel qui peuvent me servir. Puis ce que je fais au niveau collectif par rapport à ça, puis les échanges qui sont un catalyseur de ce que je vis tout seul souvent, il reste que ça va plus servir à d'autres dans le fond qu'à moi. De la même façon que ce que Marc a fait, ça va servir à plein de monde autant que ça l'a desservi. Mais c'est pas grave. Il n'est pas là le Mais problème. c'est pas grave, parce que ça me fait penser un petit peu par rapport au peintre. Il y avait eu Van Gogh. De son vivant, il faisait des belles peintures, mais il était tellement en avance sur son temps par rapport à l'art que il a pas été capable d'en vivre décemment. Puis je pense qu'il avait vendu genre juste une toile, mais tu sais, puis aujourd'hui, ces toiles valent des millions de dollars. Ben oui, mais c'est parce que le monde n'était pas encore assez drogué à l'absinthe, puis tout, puis il considérait pas encore beau ce qui est laid. Parce que moi, ben franchement, je n'ai jamais compris. Ben, les Puis j'ai tournesols de peint, Van tout. Gogh, entre autres, pour parler d'une Moi, je de trouve ses pas œuvres ça clés, beau. ben moi je trouve ça beau, là. Oh, pas moi. Je trouve ça laid en tabarnak. Ben, ce serait beau dans un chalet bien rustique, là, avec, avec des chaises, là, avec des tressages en paille, là. Mais à part ça, là, Mais je mettrais pas bon, ça c'est sûr dans. que la T'accroches question. ça sur le mur de la galerie de François Ier, là, ou sur la galerie des glaces à Versailles, tu vas te rendre compte que c'est pas. Bon, en tout cas, c'est sûr que l'art peut être discutable, sauf que le principe, c'est que le Moi, tu gars, sais, il... c'est ça, c'est vibratoire. Mais moi, j'aime pas ça. Pour moi, ça fait partie de. Je suis pas. Ben, franchement, là, non. C'est comme Picasso, je trouve rien de beau là-dedans. Je trouve ça laid en tabarnak. Puis même à partir du 19e siècle, là, puis que là, il y a des nouveaux de même qui arrivent comme Van Gogh, puis tout. Van Gogh, là, on sent la vibration. On sent une âme troublée, puis on sent quasiment le verre d'absinthe, puis tout. Tu sais, c'est bien dommage, mais c'est pas des c'est vibratoire, hein, dans le fond. Mais là, plus tard, oui, on est entré dans le 20e siècle, puis tout, puis là, il y a eu sa reconnaissance. C'est ça. Mais Mais. en fait, bon, pour ce qui est de l'art, on peut avoir chacun nos goûts, puis c'est bien correct. Moi, je suis pas nécessairement un amateur non plus là, du cubisme là, de Picasso, là. Mais le point, c'est que par rapport, quand je regarde ça, c'est sûr que tu vas me dire, ben c'est parce que tu réfléchis, puis mais je trouve ça poche, je trouve ça plate que le gars de son vivant était pauvre toute sa vie, Chris, après ça, il est mort. Puis là, ça vaut une fortune, mais il n'a jamais pu en bénéficier de son vivant. Moi, ben non, mais c'était pas pour lui. Oui, je comprends, mais Il je a veux dire. ouvert les yeux de son histoire épouvantable. Puis après ça, ils ont fait le film avec Kirk Douglas. L'affaire, là, c'est que ça a ouvert les yeux du monde sur la créativité des gens en souffrance ou qui ont des troubles psychiques, entre autres. Une histoire comme ça, comme l'histoire avec son psychiatre, puis toute la relation avec son frère, qui, dans le fond, son Mais, frère aimait pas ce qu'il ouais. faisait. Puis le côté poète maudit un peu qui courait les putains puis qui se saoulait. Cette espèce de martyr de l'art puis de la créativité, ça a ouvert les yeux à du monde sur certains aspects du vécu humain. Puis ça l'a aidé à ouvrir la sensibilité de ben du monde. Fait que dans le fond, c'est pas grave, là, peu importe l'appréciation qu'on peut avoir de ce qu'il a fait, c'est l'expérience humaine qui va avoir servi à d'autres quelque part. Au niveau de leur sensibilité à ce niveau-là, son expérience puis sa vie va avoir servi à faire évoluer au sens de l'involution, c'est-à-dire au sens de l'histoire de l'art contemporaine comme on la connaît. Mais c'est sûr qu'on regarde ça et on dit ça n'a pas de bon sens. Ben oui, c'est sûr ça n'a pas de bon sens. C'est les mécaniques involutives de l'évolution de l'art. C'est sûr que c'est l'ego qui écope, c'est lui qui subit. Mais. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, je veux dire, Van Gogh, il servait pas beaucoup des tu sais, c'était pas, comment je pourrais dire ça? Il n'y avait pas une formation classique, puis ça paraît là, au niveau des proportions, puis tu sais, il n'essayait pas de chercher le nombre d'or dans ce qu'il fait, puis parce que c'était une âme sensible au sens plus pur que ça. Quelque part, c'est pas de la connaissance au sens où on l'entend. C'est autre chose, c'est plus honnête encore. Ben, quelqu'un d'honnête, il est dans la marde. Fait que cette espèce d'honnêteté-là, il a payé pour. Puis c'est pas, il me semble, et tout, c'est pas après une chicane avec Gauguin là, qui s'est coupé une oreille. Puis dans le fond, sa relation torturée au monde. Ben oui, mais dans le fond, moi, ça m'écœure qu'on soit en admiration devant le fait que, au fond, c'est une âme défaillante qui a servi à l'évolution de l'âme, puis c'est l'ego qui paye pour ça. C'est sûr que c'est dégueulasse. Mais là, aujourd'hui, on trouve ça beau. Mais c'est sûr que quelqu'un qui avait certaine sensibilité à cette époque-là ou un petit peu avant, il regarde ça, puis de la même façon que moi, aujourd'hui, je regarde certaines choses, puis. Mais moi, ce que je trouve plate, puis ce que j'anticipais est en train d'arriver, en tout cas en partie, c'est que par rapport à Marc de la Salle, ça fait 2 ans qu'il est décédé. Puis là, tu sais, je regarde ses visionnements, puis tu sais, ça augmente. Puis là, j'ai eu des fois des témoignages en disant « Ah, oh, c'est intéressant, Marc de la Salle. » Puis là, moi, des fois, ça me met en colère, parce que là, pendant qu'il était vivant, puis il avait besoin d'argent pour vivre, puis il s'endettait, les gens n'étaient pas là. Puis une fois qu'il est mort, « Ah, oh, c'est un grand homme. » Et puis j'ai eu un paquet de témoignages, puis là, moi, j'en veux plus. En passant, c'est des gens qui m'écoutaient, là. Je veux plus de témoignages par rapport à Marc de la Salle, que vous l'appréciez, etc. J'aurais même mieux que les gens lui disent en pleine face pendant qu'il était en vie, tandis que là, il est mort, puis, tu sais, c'est ça, Moi, là. là, j'aime. Des fois, tu sais, je comprends, puis je respecte ça, puis j'ai une certaine reconnaissance par rapport. Les gens vont souvent me dire merci, puis y a des fois, même, ça va être un petit peu. Les gens vont me congratuler un petit peu trop, là. Puis j'aime autant qu'ils fassent ça, même que je sois mort. Ça OK. m'intéresse pas trop de me faire licher, moi, là. Même si c'est sincère, même si ça me touche pareil. Tu sais, ça dépend tout le temps. Dans le fond, lui, il a pas fait ça pour lui, mais c'est juste qu'il pensait que c'était aussi pour lui. Mais moi, de la façon que je vois ça, c'est que, en tout cas, on n'est pas obligé d'être d'accord non plus, c'est que l'évolution du rapport de force entre l'individu puis les plans, à la différence des saints du passé ou des religieux puis des martyrs, c'est qu'à un moment donné, on doit en venir à un point où ce que la personne affirme ses besoins au plan en disant, ben écoutez, pour être capable de vivre décemment, j'ai besoin de tel argent pour payer mon auto, tel montant pour payer mon loyer, puis si vous voulez, je me consacre à une œuvre ou quelque chose, organisez-vous pour que ça marche dans le sens du monde dans ma vie, là. Ça marchera jamais, ça. Ben, au pire, ceux qui croient que c'est possible, essayez-les. Le jour où ça va vraiment marcher. Ça marche, admettons que tu vends de la marde au monde. Là, ça va marcher, mais là, c'est d'autres forces, là. Ouais, non, Les je forces comprends. astrales, eux autres, ils payent bien. Ouais, je comprends. C'est qu'il y a, ouais, là, c'est ça, je veux pas nommer de nom ni rien, mais disons que quelqu'un qui reprend une partie de l'instruction supramentale à la sauce spirituelle, puis l'astral est derrière cette personne-là, elle Ben va plus se lever puis avoir du oui, succès que l'autre, que c'était c'est plus une sûr. forme épurée du supramental. Ben maintenant, je me suis rendu compte, si jamais là, que je pensais que j'étais pour tomber super populaire, là, je ferais jamais ça, parce que j'en veux pas de ça, c'est rien que des problèmes. Puis le fait que je reste quand même dans l'ombre, puis un petit peu inconnu, ça me rassure, ça me prouve qu'il y a peut-être une certaine qualité, quelque chose d'astral. Ça va devenir toujours très populaire. Ça va marcher, ça va se vendre, ça va. Ça, c'est l'astral, parce que le tout est astral de toute façon. C'est pas bon signe, ça. Les gros, gros, gros succès, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que c'est en accord avec l'harmonie du prince de ce monde, si on peut dire. C'est-à-dire l'astral encore. Mais genre les instances de l'astral, les forces que sur Terre passent pour les forces comme la fortune, le destin, ces choses-là, que dans le fond, c'est des forces planétaires jusqu'à un certain Non, non, point. je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce qui a du succès au niveau, entre autres, on peut le voir des médias de masse par rapport à certaines vedettes, c'est parce qu'ils véhiculent pas une vibration supramentale, puis Ben plus non. qu'ils véhiculent de l'astral, puis sont déconnectés du supramental, puis plus qu'ils peuvent avoir du Ben. succès, et plus que c'est un cercle vicieux, parce que ça entretient les gens dans une forme de médiocrité astrale. Ben oui, c'est ça, là. C'est parce que ça suit les règles de ce monde-là, de notre monde, de cette planète-là, Donc, que la tout est personne, inversé. c'est ça. Fait que la personne qui s'éveille puis qui véhicule vraiment quelque chose de très vibratoire, elle est condamnée à être au banc de la société ou reclue. Ouais, mais il reste que ce qu'elle fait, c'est enregistré pareil. Puis ça Même part pas des. besoin que ça ait eu un gros C'est succès, ça ça peut part avoir des. un gros succès. Plus tard. Un peu comme Ou Van Gogh, sur. là. Ou sur d'autres plans plus. C'est ça. Mais si je pense à l'œuvre de Bernard de Montréal. parce que quand même, ça fait plusieurs années qu'il est décédé. Puis là, je vois par rapport à, entre autres, la chaîne là, BDM International, qui sont rendus avec des milliers d'abonnés, des milliers de vues, puis ça grossit au fil du temps. Puis je vois qu'il y a plusieurs Européens qui relaient là, sur Facebook des vidéos de Bernard. Il y en a qui vont y commenter. Fait que là, il y a une étude qui se fait. Mais l'étude se fait une fois que Bernard est décédé, je veux dire de son vivant. Bernard, les séminaristes, de ce que j'avais compris, il y en avait peut-être eu entre 2 000 puis 5 000 maximum, là. C'est pas pire. Il n'y en avait pas des millions, là, tu sais, ben des milliers. Tandis que Ouais. là, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui sont abonnés à la chaîne de BDM International puis qu'il y a de visionnement que de gens qui assistaient aux salles, dans le sens que c'est la conférence. Ben, dans les derniers temps, c'était une vingtaine de personnes. Puis là, tu vois la même conférence qui est sur Internet, mais mettons, là, je sais pas, au moins 3 000 vues. Mais là, tu vois que la personne, finalement, ce qu'elle a fait de son vivant a beaucoup plus de visionnement une fois décédée, là. Ça va tout le temps transcender l'ego de la personne. C'est ça le vrai impact. Je veux dire, c'est là qu'on le voit. Moi, personnellement, que quelqu'un ait pas de succès, ça veut pas dire qu'il a pas mis le doigt où ce qu'il fallait. Au contraire. Non, Puis là, par exactement. après, là, Oui, la c'est. sensibilité, elle change. Puis là, bon. Les gens s'ouvrent, c'est un petit peu comme Léonard de Ouais. Vinci qu'aujourd'hui est davantage reconnu qu'il pouvait l'être. Léonard de Vinci, il était très reconnu de son vivant. Là, lui, là, les lois, les se l'arrachaient. Non, oublie ça, Regarde, j'étais dans. François Ier l'a ramené en France avec lui, puis il l'a traité comme Léonard de Vinci était très reconnu, Oublie trop mon reconnu exemple, même. il était pas bon. C'était plus au niveau de ce que j'avais compris, c'est que lui, apparemment, si de son vivant, il aurait parlé ouvertement, en tout cas selon ce que j'ai compris, qu'il était homosexuel, il aurait été mal vu, tandis qu'aujourd'hui. Tout le monde le savait. OK? Ben oui, il est allé en prison à cause de ça. C'était sûr. Même quand François Ier l'a ramené en France, il le savait. C'est pareil pour Michel-Ange. Voyons, là. Faut pas que tu oublies que c'est hypocrite, le monde, la Ouais, société. t'as raison, ou ouais. C'était sûr, là. Tout le monde parlait rien que de ça. Hey, à Florence, là, puis tout, là, elle est là, papa. C'est des Italiens en plus. Ils font rien que ça. C'est sûr que c'était su, mais le gars, il était super intelligent, puis il avait du talent. Ben oui, il Puis avait dans même ce pensé à des temps-là, machines volantes, puis aujourd'hui on réalise toute l'ampleur de son œuvre, là. Ouais. ça. Ben, c'est comme toi, à la place de l'oral magnifique, puis. Dans le fond, tu t'en sers de la réputation du gars. Tout ce que tu veux, c'est de se servir de son talent pour t'approprier le mérite. C'est ça le mécénat, c'est ça le. Ils s'en foutaient. C'est une gang d'hypocrites eux-mêmes. C'est une gang de pourris. Je veux dire, dans le temps des Borgia, puis les Medici, puis ça n'a pas changé. C'est encore pareil. Mais. T'sais, je veux dire, on a une drôle d'image du passé. On se rend pas compte que c'est les mêmes mécaniques, c'est le même genre de monde. Ouais, on t'a raison. Fait que, tu sais, Léonard de Vinci, dans le fond, lui-même, il jouait avec ça. C'est un provocateur. Il doit une partie de son succès à ça. Tu sais, je veux dire, lui, ce qui ennuie, c'est qu'il finissait pas. Des fois, tu l'engageais pour quelque chose, puis il finissait pas, puis il sacrait son camp avant d'avoir fini. Ça y ennuie. C'est bien normal, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas tout le temps fiable. Mais son gros succès, il vient d'avoir organisé des mécanismes pour des spectacles de fête, des affaires de même, parce que dans le temps, c'était du monde. C'était pareil comme à cette heure. C'était d'être sur le party, puis d'avoir des grosses affaires impressionnantes, là. Comme les artistes d'Astor, les dix patentes, puis compagnie. C'est des effets de scène impressionnants. Puis, ça disait du monde superficiel. Mais l'aspect de faire des machines de guerre, puis tout, ben oui, mais c'est là que tu vois très, très, très intelligent intellectuellement. Au niveau conscience, parce que tu te sers pas de ta conscience pour faire des affaires de même. Quand tu es vraiment conscient, je veux dire, au moins, en tout cas, tu n'oseras même pas le coucher sur le papier. Parce que tu veux pas que ça. sais, c'est pour ça, là, c'est la différence entre l'intelligence puis la conscience. T'as des génies, c'est des grands génies. Mon niveau conscience, ça vaut rien. C'est de l'intelligence artificielle avant le temps, quasiment. Tu sais, parce que, au fond, Léonard de Vinci, moi, ça m'impressionne pas. Mais vraiment pas. Puis, les toiles au niveau esthétique, oui, OK. Tu sais, il y a quelque chose, c'est bon. Ça m'impressionne plus que Van Gogh. Mais il reste que au niveau, moi, à mes yeux, une intelligence qui se met au service de n'importe qui, puis de n'importe quoi, même si c'est bien de l'intelligence, puis tout, c'est juste pire encore. Ça prend de la conscience, là aussi. Mais en même Dans le temps, c'est sens un que. individu d'avant-garde qui a une conscience visionnaire, puis plusieurs décennies après, là, les gens voient toute la portée justement des inventions auxquelles ils avaient pensé, puis aujourd'hui, avec les moyens techniques, bon, on est plus en mesure d'en réaliser. Ah ouais, puis là, ça, tu sais, ben, ils ont-tu essayé de faire ces machines de guerre épouvantables, tu sais? Ouais, c'est vrai que. C'est là que, bon, ils n'ont pas essayé ça. Là. La machine, là, qui fait aller des faux. Les chevaux courent, puis les chevaux sont. On voit que c'est fait pour que les chevaux eux-mêmes aient peur, puis ils s'emballent sur le champ de bataille, puis ils se garochent. Ça fait penser, dans le temps, là, les samouraïs qui mettaient des paillasses tressées sur le dos des bœufs, puis ils mettaient le feu après. Le bœuf paniquait, puis fonçait dans l'armée en avant. C'est épouvantable, je veux dire. C'est des horreurs, dans le fond. Ça, c'est de l'intelligence involutive. C'est pas de la conscience. Non, non. Parce que, dans le fond, c'est facile d'être diabolique. Ça prend de l'intelligence, oui. Mais parce que tu as de la conscience, tu vas t'empêcher. Fait que tu n'en auras pas de succès. Tu n'en auras pas de. Fait que, bon, Ou à un sinon, un moment donné. succès plusieurs années après, là, comme Bernard de Montréal, là, tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus reconnu que ça pouvait l'être dans les années 80, là. Ben, malgré que. Bon, dans le temps que la mère à mon père était accrochée dessus, il déplaçait des foules. Puis j'en entendais bien plus parler que maintenant. Il était plus au goût du jour parce que c'était plus à la mode en plus ces sujets-là dans ce temps-là, on Oui, dirait. par rapport Ça n'avait pas la même. au Québec, mais c'est parce que je le parlais aussi au niveau international par rapport à la Ah oui. francophonie, là, dans le sens la France, la Suisse, la Belgique. Aujourd'hui, ils en parlent, mais dans les années 1980, ils n'en parlaient pas parce qu'ils ne donnaient pas de conférences là. Ben non. Ben malgré qu'il y avait des cassettes qui allaient en France, là. Je Oui, me mais rappelle. c'était minime ou Ouais. marginal. Il parlait, je pense qu'il broyait pour des petits minous, je le sais plus trop. Puis il disait, faut que je fasse attention, ça va un peu partout, ces cassettes-là. Ils vont se Oui. demander ce qu'il y a, le gars. Je veux dire, il était comique. Mais ce que j'avais compris, c'est qu'il a été plusieurs fois, parce que j'avais parlé avec quelqu'un qui l'avait reçu en France. Jean-Luc. Oui, Jean-Luc, exact. Jamais en France, il a donné de conférence. Moi, ça Ah. m'a surpris, mais je me suis dit, si tu fais plusieurs voyages en France, puis tu développes l'amitié avec quelqu'un qui te reçoit, puis t'héberge chez lui. Logiquement, à un moment donné, tu peux développer un groupe puis de prise de parole, puis apparemment, non. Un moment donné, il avait chialé, il dit, j'ai essayé de jaser avec des Français, puis c'est pas drôle, c'est orgueilleux ce monde-là. Des fois, quand je vois les gens dans le supramental que c'est des Français, puis bon, ils chicanent pas mal, puis sont encore dans le débat intellectuel beaucoup, puis dans le positionnement, puis c'est pas la même vibration tout à fait que peut-être Bernard, ça l'aurait biffé. Peut-être ça le. Oui, Parce que ben dans je le fond, comprends, là. Il il pouvait peut être. avoir l'air prétentieux, Bernard, il peut Oui. avoir l'air comme quelqu'un, je sais tout, puis tout, mais dans le fond, c'est quelqu'un, il n'était pas orgueilleux. Puis c'est difficile pour quelqu'un de voir ça, parce que ça faut être comme sans gêne, mais pas au sens de quelqu'un qui se prend pour un autre, là, pour parler comme il l'a fait. Faut être sans gêne au sens de quelqu'un qui se donne pas plus d'importance qu'il faut, puis qui, au point de se foutre de ce que le monde va en penser, puis d'avoir cette générosité-là. C'est difficile à percevoir ça. Il n'y en a pas vu ça souvent. C'est assez spécial. Bien, il y avait une grande intégrité, dans le Ouais. sens qu'on sentait qu'il disait ce qu'il avait à dire, puis il cherchait pas à se faire corrompre par les autres, là. Ouais. C'est un peu comme. C'est le contraire d'un politicien. C'est quand même un scientifique de la parole puis de la conscience. Bon, ben, je pense qu'il va falloir que je me couche. Je me suis levé de bonne heure. Puis... Non, non, c'est bien correct. On va compléter l'enregistrement. Mais moi, j'ai l'impression ce qui va arriver par rapport aux enregistrements que tu fais, c'est que peut-être ça va être dans 30 ans, dans 60 ans, que les gens vont commencer à découvrir ce que tu fais là, à une plus grande échelle. En autant que je sois plus là puis que j'aille pas le subir, ça va être correct. Bien, c'est parce que ça dépend. Tu sais, ça pourrait être bien de ton vivant si tu peux avoir une. Bien, ça dépend ce que tu veux aussi, là, mais Non, je veux moi, ce dire. que je veux, au fond, je suis curieux au point que c'est important pour moi de parler parce que je sais jamais ce qui va en sortir. Je sais jamais jusqu'où je vais aller ou ce que je vais voir de nouveau. Mais le plus important, ça reste d'avoir la paix. Oui, je comprends. La paix doit venir avant la popularité ou la reconnaissance publique. Puis je pense que Ben c'est plus oui. beau la paix de l'esprit qu'un monument qui soit fait à ton honneur là, ici au Ben Québec. là, si jamais il y a du monde qui font ça, je veux dire, des fous. Tu sais, je veux dire, déjà là, je trouve ça ridicule. C'est un peu comme Diogène, il avait demandé à la cité où il vivait s'il pouvait y élever une statue en son honneur, puis eux autres, ils avaient dit non. Puis après, il a dit, pourquoi tu demandes ça? Là? Il dit, ben, pour avoir le plaisir de me le faire refuser. Tu sais, dans le sens que, à un moment donné, il va falloir sortir de des affaires de même. Puis se rendre compte que, au fond, les honneurs, puis les ci, puis les ça, puis ça fait partie de ce qui est détestable dans notre société. Puis c'est ça qui fait que il n'y en a pas d'authenticité. Puis ceux qui sont authentiques, ils se cachent, puis ils ont peur. Moi, à mes yeux, c'est juste normal. Oui, mais tu sais, en même temps, il y a tout un climat social que si tu penses pas comme les autres, ben là, tu peux, dans le fond, te faire pointer du doigt, le chantage, etc. Ouais. Oh, ben, moi, le monde qui pointe du doigt, ça m'impressionne pas. Ben T'sais, dans faut qu'il y ait de quoi de solide l'autre bord du doigt, maudit. le... Ben... Parce que souvent, quelqu'un de solide, il a pas le doigt, il se garde le doigt, il va pas l'enligner vers personne. Parce que, dans le fond, oui, on peut donner des fois des exemples où on parle, on jase, Oui. mais là, quand c'est rendu, là, que, comment je pourrais dire ça, que tu as vraiment le jeu de projection, de positionnement, puis de commencer à donner une valeur ou à en enlever une par un geste qu'on pourrait dire comme pointer du doigt, ça veut dire que, justement, il n'y a pas d'échange réel à ce niveau-là. On est encore dans les jeux de projection, puis de réflexion, puis c'est du social, dans le fond, au sens de l'animal social. Un peu comme des singes. C'est des singes, ça, qui chient dans les mains puis se garochent le marde. L'être humain n'est pas supposé faire ça, mais il le fait encore. Oui, certains vont dire que c'est un animal social. Et c'est sûr que par rapport à ça, en fait, tu sais, je voulais t'amener à parler du vécu de la conscience. Je pense que j'ai quand même fait le tour. On a parlé de ton rapport à la santé, l'argent, au niveau relationnel aussi, par rapport à ta famille, par rapport au couple. Puis, en fait, par rapport à ton vécu, le processus de conscientisation, grosso modo, de ce que je comprends, ça t'a pas vraiment, ça t'a amené à être plus lucide, mais tu sais, ça n'a pas amélioré nécessairement tes finances ou ta santé, là. Non, pas du tout. Ça fait juste que je comprends plus pourquoi. OK. Puis j'intègre un petit peu les lois du comment. Mais à part ça, au niveau d'être en puissance plus, ben la base c'est d'être quand même, si on peut dire, relativement heureux puis bien dans sa peau. Ça me l'a donné. Mais le reste là, auquel les gens donnent de la valeur habituellement, ça, je ne l'ai pas encore. Mais moi, je n'ai pas fini là, mon affaire. C'est en écoutant Armand Desroches que je m'en suis rendu compte. Que l'initiation solaire, oui, est entamée, mais que je n'étais peut-être même pas au milieu. Puis je ne sais pas encore combien de temps que ça. Puis que peut-être, oui, j'ai des choses en simultané. des processus en simultané que je vis. Mais je suis loin d'être rendu. Non, non, je C'est-tu comprends. ici que ça a ça? C'est de ton côté, c'est pas du mien. Ah bon. Ben, je vais aller voir c'est quoi. Non, non, c'est bien correct. Mais bref, bon, t'écoutais des vidéos en passant Armand Desroches, là, est décédé là, récemment. Condoléances que je souhaite là, à tous les gens qui l'ont connu. Et puis, vous avez de ces vidéos-là qui sont sur YouTube. Là. Donc, c'est un ancien séminariste de Bernard de Montréal qui avait d'ailleurs aussi écrit des livres. Mais par rapport à toi, dans le fond, ce que tu t'en viens au constat, c'est que tu te conscientises, mais ça t'a pas permis d'être millionnaire ou d'avoir une santé parfaite ou des relations Ouais, parfaites mais avec c'est les pas gens. ça. C'est ça le but de la Non, conscience? c'est ça, mais ça peut être le but de l'ego qui aimerait que la C'est conscience lui ça. donne ça. Fait que là, ça, c'est le corps de désir. Puis la conscientisation, c'est de démolir ça en partie. Fait que je me le fais. Je me l'ai fait malmener, Fait que tu le étais corps en de train de désir. nous dire que finalement, la personne qui est contente parce qu'elle se conscientise ou ça y parle intérieurement, ben, faut qu'elle réalise que finalement, ça ne veut pas dire que ses problèmes financiers vont s'améliorer ou sa santé, là. Non, mais la base, c'est au moins commencer à comprendre pourquoi c'est comme ça. Puis là, c'est déjà un début. Mais quand on donne moins d'importance, au moins, c'est déjà plus supportable un peu. Puis on voit mieux, on voit plus clair. Puis peut-être aussi qu'on peut se rendre compte que c'est pas nécessaire. Pas nécessaire d'être milliardaire, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est déjà un bon début avant d'être relativement nanti. T'sais, d'une façon qui est juste comme faux. Parce que c'est comme si ça va tout le temps te laisser juste ce que tu as besoin en attendant. Puis là, tu dis, voyons, il me semble que je pourrais avoir plus que ça. Pourquoi? À moins d'être dans la misère noire, là, ça va tout le temps nous dire qu'on se plaint pour rien. Mais t'as pas tort, c'est la même chose par rapport à moi. Ça m'a souvent, des fois, je commençais à chialer à voix haute, puis là, la vibration coupait, puis ça me disait, non, non, tu te plains pour rien. Puis là, ma compagne, elle me trouve, ben, elle était habituée avec le temps, parce que des fois, je commençais à chialer, puis je me auto-ajustais, puis oublie ce que j'ai dit, j'étais dans le champ, puis ouais, ça se déconstruit des fois en parlant à voix haute, ouais. Ouais. Puis dans le fond, bon, ben, c'est là que les ajustements se font à mesure, en temps réel. Puis là, des fois, c'est sûr que, bon, ça me choque un peu, là, ce que ça me répond. Parce que souvent, ça va me dire que, mais jamais, jamais, ça va me dire, ah, t'as raison. Ça va tout le temps dire, t'as pas tout à fait tort ou t'as pas tort. Mais c'est tout le temps de même. C'est un jeu de. C'est plus habile qu'un ego, là. C'est pour ça que c'est toujours surprenant des fois ce que ça sort. Puis là, tu te dis, ouais, t'sais, il a juste assez de lousse pour que j'aie un petit peu de, juste assez un petit peu d'orgueil pour que mon ego il se sente confortable un petit peu. Mais t'sais, tant que c'est pas l'humiliation totale comme quelqu'un qui est rendu dans la rue. Ben, il reste que, tu sais, t'es encore au le juste milieu, puis ça continue l'intégration. En tout cas, moi, je veux vraiment devoir Oui. aller dormir. Bon, ben, c'est bien parfait. Fait qu'écoute, comme à l'habitude, je te remercie pour tout le temps consacré à cet entretien qui visait aujourd'hui à avoir un angle d'approche un petit peu différent d'habitude où je t'amène plus à parler d'une manière impersonnelle. Là, je voulais plus approfondir par rapport à toi en lien avec ton vécu personnel parce que sans doute des gens qui nous écoutent puis étaient curieux de te connaître un peu plus dans la dimension personnelle en relation avec l'intégration de tous les principes de conscience abordés au fil des enregistrements. Donc, je te dis à bientôt, puis au revoir. Merci, au revoir.